pu se mettre autour de cette table, hein, effectivement, parce qu'on est, peu nombreux. Hein, c'est une drôle de configuration pour un public. Le message et l'information a circulé sans doute un peu trop tardivement pour qu'il y ait beaucoup de monde à cette conférence, mais ce n'est pas grave, c'est la qualité qui compte plus que la quantité. Et puis le débat va être enregistré, donc il est possible qu'ensuite il puisse circuler plus largement par après. Bienvenue pour ce débat ce soir sur l'Angola, débat autour d'un livre qui s'organise donc en partenariat avec la revue Politique Africaine, qui a, comme certains d'entre vous le savent peut-être, une rubrique régulière donc qui précisément s'intitule donc débat autour d'un livre et qui s'organise aussi avec le soutien du programme Oxpo qui est un programme de coopération entre Sciences Po et Oxford et qui a déjà accueilli notre invité de ce soir, Ricardo Suarez de Oliveira. Donc je suis très très heureux de voir avec nous ce soir, cet après-midi, pour débattre de son dernier livre. Ricardo est professeur de politique comparée au département de sciences politiques à Oxford. Il est rattaché à St. Peter's College, hein, c'est bien ça, Ricardo, et aussi chercheur associé au Global Public Policy Institute à Berlin. Il a été également, certains s'en souviennent ici, professeur invité à Sciences Po, pour le plus grand bonheur de nos étudiants. C'est un auteur prolifique, Ricardo, qui a déjà à son compteur de nombreux ouvrages et quelques livres de référence. J'en cite trois particulièrement sur les rapports entre pétrole, hégémonie et politique dans le Golfe de Guinée, Oil and Politics in the Gulf of Guinea, qui a été publié en 2007 chez Hearst. Un autre livre également très connu qui a beaucoup circulé sur les rapports entre Chine et Afrique, qui avait été coédité avec Chris Alden et Daniel Large en 2008, China Returns to Africa. C'était un peu un des bouquins qui a relancé la recherche sur ce sujet qui est désormais extrêmement couru. Et donc Ricardo en est un des spécialistes, il nous en parlera aussi sans doute aujourd'hui. Et puis enfin, je voulais mentionner aussi un troisième ouvrage et un troisième axe de ses recherches sur les politiques dites de reconstruction post-conflit, avec un livre qui s'appelle « The New Protectorates, International Tutelage in the Making of Liberal States », qui est paru en 2011, je crois aussi chez Hearst, hein, c'est bien ça, Ricardo. Et si j'évoque ces ouvrages-là, outre leur intérêt particulier, c'est que au fond, ces trois thématiques convergent, on va le voir sans doute, dans le nouvel opus, dans le nouvel ouvrage donc qui est en débat aujourd'hui sur l'Angola, Magnificent and Beggar Land, Angola Since the Civil War, qui vient de sortir donc en 2015, toujours chez Hearst. Et donc, on a pensé qu'il était intéressant d'organiser une discussion autour de cet ouvrage, non pas seulement parce que l'Angola est intéressant en soi, même si c'est effectivement le cas, on va le voir, mais parce que aussi l'Angola est un pays qui, depuis la fin de la guerre, 2007-2008, s'est reconstruit de manière assez spectaculaire, hein, un peu comme un émirat pétrolier, un état rentier, pourrait-on dire, d'une certaine façon, dans une relation particulière aussi à l'extérieur. Et la problématique de l'extraversion va sans doute occuper nos discussions aujourd'hui, avec la Chine, hein, je l'évoquais à l'instant, mais aussi l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, qui voit une partie de ses travailleurs désormais émigrés vers l'Angola. C'est un clin d'œil de l'histoire et une ironie de l'histoire assez intéressante à noter. Mais l'Angola est aussi intéressant dans sa trajectoire politique et d'économie politique, en ce que, d'une certaine façon, à rebours ou à l'encontre de certains modèles internationaux de pacification, de reconstruction et de state building, le pays, sous la férule de Dos Santos, a essayé d'inventer en quelque sorte sa propre trajectoire, un modèle endogène hydrogène, hein, de pacification et de réconciliation, entre guillemets, qui va de pair, évidemment, comme dans tout processus de ce type, avec, évidemment, un processus hégémonique dont on va parler et qui est au cœur du livre de Ricardo Suarez. Donc, un processus de reconstruction depuis la guerre qui va de pair avec l'affirmation d'une nouvelle hégémonie politique. Je crois que c'est la thématique centrale du livre, qui se fonde sur une certaine économie politique et aussi, hein, l'affirmation d'une nouvelle bourgeoisie, de nouveaux styles de vie également, qui vont, évidemment, c'est aussi le revers de la médaille, de pair avec de nouvelles formes d'inégalité, hein, qui traversent également toute la société angolaises et qui produisent également des formes de contestation de plus en plus virulentes. Et donc, par-delà la fable de l'émergence, hein, dont on nous parle beaucoup ces temps-ci sur les économies africaines et dont l'Angola peut paraître être le parangon ou l'idéal type, eh bien, il y a toutes ces contradictions et ces paradoxes qui traversent la société angolaise dont le livre nous parle avec beaucoup de finesse. Donc, on est vraiment ravis de t'accueillir à nouveau ici, Ricardo, pour ce débat. Et pour discuter de cet ouvrage. Donc Ricardo fera sa présentation en anglais, mais il est parfaitement francophone, c'est pour ça que je me permets de présenter en français. La discussion se fera en français. Donc pour discuter de ce livre, on a le plaisir d'accueillir trois grands spécialistes de l'Angola et un regard comparatiste extra-africain. Donc Michel Cain, peut-être je vais faire par ordre de doyen, n'est-ce pas ? Michel Cain, qu'on ne présente plus, hein, grand spécialiste du Mozambique et des mondes lusophones, fondateur de la fameuse revue Lusotopie avec Christine Messian à l'époque, qui est historien, qui a publié de nombreux ouvrages sur les problématiques identitaires, sur le nationalisme, sur l'histoire colonial et qui aura, à n'en pas douter, hein, des choses extrêmement intéressantes à nous dire sur le livre de Ricardo. Donc Michel est chercheur au CNRS, historien, comme je disais à l'instant, au laboratoire Les Afriques dans le monde à Bordeaux. Donc merci Michel d'être venu de ta lointaine contrée pour cette discussion. Didier Péclard, ensuite. Didier est désormais professeur à l'Université de Genève. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Politique africaine, dans laquelle donc ce débat pourra peut-être être publié, si les papiers sont intéressants, on verra. Et il a surtout un ouvrage là, qui va bientôt sortir sur l'histoire de l'Angola, qui s'intitule, je crois, « Les incertitudes de la nation », c'est ça, Didier ? C'est ça, oui. Les incertitudes de la nation en Angola, aux racines sociales de l'UNITA, donc apparaître très, très bientôt. Troisième spécialiste donc, du pays, Juliana Lima, qui est à terre, attachée temporaire d'enseignement et de recherche ici à Sciences Po, et qui termine une thèse précisément sur cette problématique de, disons, la fabrique sociale et politique de la paix en Angola, et qui pointe aussi, comme Ricardo, toutes ces contradictions de la société angolaise dite post-conflit. Donc merci Juliana également de ta contribution. Enfin, je l'indiquais au début, on bénéficie ce soir d'un regard un peu décalé ou coupé-décalé, je ne sais pas, hein, de Gilles Favarel-Garrigue, que tout le monde connaît sans doute ici. Hein. Gilles est directeur de recherche désormais en sciences politiques au CNRS, rattaché au CERI, et ses travaux font autorité, comme on dit, sur la Russie, spécialiste particulièrement des relations entre crimes, violences, illégalisme et capitalisme aussi dans la Russie post-soviétique. Et donc on avait pensé avec Gilles que ce regard comparatif sur les oligarques et les pratiques d'accumulation en période de transition, de changement politique accéléré pouvait être intéressant, y compris pour penser, pourquoi pas, ces problématiques des États parallèles et de leur insertion dans une économie désormais globalisée. Donc merci Gilles, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, donc pour les présentations, Ricardo, on te donne la parole pour la présentation de l'ouvrage, donc qui, je le répète, se fera en anglais, mais encore une fois, la discussion pourra se faire ensuite en français. Merci Richard, je m'excuse de t'adresser en anglais, mais... Excuse-moi, j'ai oublié de dire que tu avais amené des ouvrages pour ceux que cela intéresse, hein, qui seront ensuite vendus à un discount. Un discount. C'est, en lieu de 34 euros, c'est 25 euros. Voilà. Donc, j'allais dire que je m'excuse de vous adresser en anglais, mais ça marchera beaucoup plus vite si je parle en anglais. Après, on peut avoir une discussion plus aisée en anglais et en français. Let me start by telling you how, and I'll be speaking for about half an hour. I've been told to keep to half an hour, so this will be a bit packed, but hopefully I'll be able to flag out issues that you want me to address in more detail in the questions and answers. Let me just give you an impression of why I decided to write this book on Angola. So in the late 90s, I started to do my research on the politics of oil in West and Central Africa. And in this context, I worked in countries like Congo-Brazzaville, Chad, Cameroon, Nigeria, and also in Angola. The Angola I knew in 2002 was a completely different country than the one that we're going to be discussing here today. In 2002, when the war finished in February 2002 with the death of the rebel leader, John Savimbi, the leader of UNITA, Angola had been at war essentially for 41 years. It had had very brief moments of peace during those 41 years. These wars had been called different things. One was an anti-colonial war until 1974. From 1975 until the early 90s, you had a sort of proxy war very much connected with Cold War dynamics, although with a very strong and defining domestic aspect. You, from 1992 onwards, for another decade, you had more war, this one defined mostly endogenously and mostly pigeonholed as a sort of resource-based war, as an oil and diamonds war. So this war, these 4 decades of war were often misunderstood, but there's no doubt that by 2002, Angola was a country that had seen a degree of destruction quite rare, even in post-colonial Africa. Outside Luanda and a few sort of coastal cities, most of the country had been leveled to the ground. No single infrastructure was standing. Large-scale cities such as Kwito and Wambo had been, you know, very severely affected by the war. The war had seen both micro-violence of the sort that we associate with conflicts in places like West Africa, but also large-scale violence with napalm, with MiGs, with heavy artillery. And the result was, perhaps we speculate, up to 1 million Angolans died during this war. By the time you get to, you don't even have to come to 2012, but by the time, you know, for argument's sake, if we situate ourselves in 2012, just the sheer, the numbers at stake will give you an idea of what happened in the country in the ensuing period, in that short decade from 2002 onwards. The GDP of Angola in 2002 was $12 billion. This was pretty big. Angola was already at the time the second largest oil producer in sub-Saharan Africa. A decade later, the GDP of Angola was $125 billion, a tenfold increase in one decade. From 2006 until the present day, every year, the budget of Angola has been larger than total OECD aid to Africa as a whole, another number to concentrate the mind. Oil production, which was already substantial at the end of the war, just touching on 1 million barrels a day, by the way, a trajectory that throughout these long years of war was unaffected by the war. Oil production in the mid-70s was 170,000 barrels a day. 27 years later, at the end of the war, it was 1 million barrels a day. But by 2008, it was almost 2 million barrels a day. So you can see what sort of amounts we're dealing with, what sort of economic conjuncture we're dealing with in the immediate post-war period. The result is absolutely staggering and almost without precedent if you sort of discount a country like Nigeria. But even Nigeria, with its very, very, very large population, has a per capita resource endowment that is much less impressive than Angola. Between 2003 and 2013, the decade that the book focuses on, Angola received, this is Angola's country take, this is not the total amount of resources generated by the oil sector, this is the amount of money that the Angolan government pocketed from the oil sector, $467 billion in oil revenues. In other words, almost $500 billion. And they're absolutely unprecedented, even if you think about other cycles in Angolan history of resource booms, whether it was slavery or coffee or rubber. Nothing on this scale has ever been seen in Angolan history. Therefore, the book that I wanted to write was a book very much about this extraordinary decade, the decade that ensued the end of this civil war. And for those of you who have more disciplinary, less area studies-based concerns, I would venture to argue that Angola, Africa's third largest economy, three times larger than the Kenyan economy, just to give you an example, is deserving of intrinsic interest. The Série in Paris, more generally, is not a place where it is too difficult to make that point until her death in 2006, Christine Messiaen, based at École des Hautes Études en Sciences Sociales, was arguably the best analyst of Angolan politics in France and mostly almost anywhere else. But in other contexts, to show an intrinsic interest for the politics of an African country is still a statement that has to be made. This said, I think it's important to understand that very important themes in the social sciences and concerns that bring us here together today are important. And this is not an exhaustive theme, list of themes that I think we can understand refracted through the very, very, very useful Angolan case study. But state formation in Africa, and in particular the fact that the Angolan case study shows that there are very robust projects for state building in Africa, not just state formation in Jean-François Bayard's sense, but actual state building, deliberate blueprints sort of projects for the state and for state-society relations. This sort of seemingly old-fashioned project is alive and well in post-war Angola, as it is arguably in places like Rwanda and Ethiopia. More generally, the theme of Africa rising and whether over the last decade the generally positive conjuncture for sub-Saharan Africa in the international economy amounted to a game changer in Africa's insertion in the international economy or just the upward swing of the usual commodities-dependent cycle, Angola is an ideal case study to ask those broader questions. And more generally, I think that questions about the sociology of elites, which is a theme that is very important for this book, is another major theme that I tried to pursue in the book. In that regard, I should say that the book, I thought of the book as an ambitious but not over-ambitious piece. The goal was not to give a total history of Angola over the last decades. In fact, I thought that the encyclopedic authoritative aspiration might be stifling. It might limit the argument and the angles that I wanted. I wanted to make choices about how to argue my case and about how to look at this reality, knowing fully well, as I mentioned in the book and as I had the time to mention to Michel and to Didier 20 minutes ago, that another Angola specialist looking at this reality from another angle within Angolan society, whether regional or from another sort of thematic angle, would have come up with a very different book. And I see my book as part of a conversation going on about the nature of post-war Angolan society, which will no doubt elicit very different and also divergent contributions. And I'd be glad to take part of that sort of debate. Let me just proceed by saying what accounted for the extraordinary character, the hegemonic, as Richard helpfully put it, hegemonic character of this state-building project in the immediate post-war period. There are three factors that really make the Angolan case stand apart from your usual story of post-war reconstruction suddenly in post-Cold War sub-Saharan Africa. The first point, and the most straightforward point, is that this wasn't a woolly compromise between the international community, the rebels, the government, some messy power-sharing agreement, which indeed was tried in the 1990s in Angola. This was a straightforward classic victory whereby one side completely demolishes the other. A classic war that ends with a victory. And in the context of that victory, the government of Angola, led by the MPLA, which had historically been only one of four entities trying to control late colonial and post-colonial Angola. The other three entities that I'm referring to here are obviously the late colonial Portuguese project for Angola, the attempt of the Portuguese to create, if you will, a Portuguese Angola. But even in the immediate period afterwards, there were two liberation movements, the FNLA and UNITA, which contested not just political power, the control of political power, who should run Angola, but had produced very different projects for what that Angola should look like. And these projects were not just different, but mutually exclusive. Well, by 2002, the conversation, the debate is over, if you will, and one of these contested projects becomes the project. It associates itself with the nation and seeks to define the nation for the generations to come. So that hegemony is crucial for us to understand what comes next. The second point, I already hinted at that, it's the nature of the oil boom. The fact that oil production doubled between 2002 and 2008, and most importantly, the oil price grew exponentially. Just to give you an idea, in 1999, in January 1999, if I'm not mistaken, the barrel of oil was $9. It is lowest ever, almost in absolute, in relative terms. By 2002, when the war finishes, the oil barrel is about $18. By 2008, it's $147. So you can see what these resources made possible in terms of the aloofness, the autonomy that this elite has built, not just in regard to Angolan society, but most importantly in regard to the sort of pressures that especially the Western donors would routinely seek to apply to a post-war reconstruction process. The fact that the Angolan government had this amount of money meant that they would be able to define not just the peace, but how that peace would be built. They would define themselves what Angola in the post-war era should look like with minimal sort of concessions to the politically correct international agendas of democracy, free markets, etc., etc. And this would not be done by stealth. It wouldn't be done discreetly. The Angolan regime said bluntly, we're the owners of this post-war reconstruction process. It will occur according to our sense of priority. And the third factor that matters here is obviously the fact that and this is a broader systemic development in African politics more general, which we normally see in terms of the rise of China, but more generally what you've seen in the last decade was a multiplication of partnerships on the Angolan side away from the usual overdependence on the Western donors. Western donors, which were not very important as donors, but were the most important investors in the Angolan oil sector, were the most important post-Cold War foreign relations of the Angolan government, and arguably in the early 1990s, in the early 2000s, these Western governments had become very critical of Angolan oil sector management, whether they were accusing Angola of corruption or opaqueness or through the IMF bad economic management. The relationship between the West and the Angolan government in the early 2000s was very frayed. Very quickly afterwards, the Angolans were able to build a relationship with several governments, not just in the global south, but I would argue even their relationship with northern governments changed as northern governments started to think of Angola as a business opportunity and they stopped preaching human rights and good governance and started to want to get a share of the post-war economic opportunity. So these three factors really will produce from this point onwards a post-war reconstruction agenda Angolan style, which will achieve some rewards. There are some very tangible and concrete positive points, but which I would argue a decade later is a disappointing trajectory in view of the possibilities that this period had conjured. Let me just first say what this means in terms of reconstruction. And I think we could quote Vice President Manuel Vicente, when in an interview to Portuguese television SIC in 2013, he said that in the first decade of post-war reconstruction, we did not give enough attention to people, but now we will. This was a more or less explicit acknowledgement that the concentration of the government over the first decade was on infrastructure. It was on hardware rather than on software. Again, this is in some ways legitimate, and it accounts for one of the positive aspects of post-war reconstruction, namely the reconstruction of the road infrastructure of Angola, the communications infrastructure, although we should learn from Baron Haussmann in Paris that this is also about broadcasting power across space. This is also about a sort of a realist strategy to make the government occupy its territory in a more conventional Weberian way, if you will. But nonetheless, this has been central to the post-war reconstruction process. But more importantly, I would argue, than this aspect of physical reconstruction of the country's infrastructure is the imagining of Luanda as a showcase of modernity. The idea that a proud, oil-rich state like Angola needs a capital that befits its sense of modernity, and therefore that the capital Luanda, which in 1974 only had 400,000 inhabitants, but which now has 6.5 million inhabitants, according to the latest census, should become an African metropolis. And the blueprint here is obviously, explicitly, several ministers, several voices have made the point, is Dubai. So Luanda, in only a few years, reinvents itself as skyscraper town, and not just the physical aspect, but also the material culture of global luxury, of global modernity, is imported into Luanda. And by 2007, Luanda is, in almost every year since, the world's most expensive city, according to The Economist, at any rate, for most of the last 7 or 8 years. The important thing here is to see that there's a major discrepancy, and despite this acknowledgement by the vice president, there's a major discrepancy between rhetoric and reality. Because if you look at what the government is saying all the way since 2002 until the present time, there's very little that is objectionable about the discourse of the government. They talk about development, they talk about poverty alleviation, but the same way that, but this doesn't pan out as an actual project of resource disbursement. And there's two blind spots here. There's a contradiction between a rhetoric of broad-based prosperity, of broad-based opportunities, and a concentration on a specific segment of society. But most important, but also importantly, there's a rhetoric between, there's a discrepancy between a nationwide project of development and benefits that accrue very narrowly to the cities, and especially to the cement city, to the, if you will, European core of Angolan cities and Luanda in particular. This last point about the exclusion of the countryside and the vast shantytown peripheries of the cities is self-evident. Let me elaborate on the previous point, the point that there's a rhetoric of inclusion of the poor, but in fact there's a narrower focus on something which you won't find in the government documents, but which MPLA, the ruling party documents, will mention without too much embarrassment, a focus on the national bourgeoisie. And what is the national bourgeoisie, according to the MPLA? It's a very important sort of entity to make sense of post-Cold War MPLA politics. This national bourgeoisie starts from an historical analysis. The MPLA reads Angolan history in terms of a settler society that did not produce a strong African bourgeoisie of any sort. And therefore, that the government in the post-Cold War, post-socialist context, what the government should do is to be the active handmaiden for the creation of this bourgeoisie. This means, therefore, in the party's mentality, the favoring of what you could define as a sort of urban middle class of Angolans, if need be, and in practice, it is, to the detriment of a vast majority of the population. This is about the creation of employment, the creation of business opportunities, but most importantly, the creation of contexts in which this Angolan national bourgeoisie of sorts can be made to feel a sort of middle class and upper middle class of global comparable sort of standards. So this has had important sort of dimensions in terms of the doubling of the civil service over the last 10 years, the doubling of the size of the civil service, but most importantly, the fact that in the late years of the war, the range of beneficiaries in this very politicized war economy of the late 1990s was really, really very narrow. Angolans used to talk about Alibaba and the 40 thieves, which was a way of talking about just how narrow those channels are. Many senior civil servants in the late 1990s were not getting their salaries paid on time, for instance. So for you to see that even people who are part of the regime were not really doing very well in the 1990s. Over the last decade, I would say that a plurality of Angolans have had it better than ever before. Perhaps anywhere between 500,000 and 700,000 Angolans would be included in this national bourgeoisie of sorts, which is shows an expansion in the sphere of beneficiaries, for sure, in regard to previous decades. But it also illustrates the narrowness of the starting point and therefore just how broad a segment of the population is still excluded. And we're talking about a population that, according to the last census, is about 24 million people. So again, there is a broad logic of increasing distribution, but nothing on the scale that you see, for instance, regimes in Venezuela or Iran or Saudi Arabia. And I'm using examples that are deliberately not flattering, just to give you a comparative point. It's a narrower scale of beneficiaries. And at the top of this discourse of the national bourgeoisie and all that it entails, and the favoring and the sort of cornering of opportunities to specific sections of society in the party that this entails, resides a process which Gilles, I think, will recognize from the early 90s and beyond in the case of Russia, which is the creation of a small class of hyper-rich, of, if you will, what some Angolans call the oligarchs in Angola, in explicit reference to the process of primitive accumulation in the 1990s in Russia. And by the way, the language of primitive accumulation is not a pejorative language that outsiders use to make sense of processes happening in Angolan society. In its narrowly defined Marxist technical sense, it is used by the party, including by the president himself. I have a quote in the book in which the president defends, quote-unquote, primitive accumulation as legitimate and accuses Westerners of being moralizing. He says primitive accumulation in their societies happened 100 years ago, and now that we are doing our primitive accumulation here, they come here and they give us lessons. But he wouldn't dispute the description of the process whereby a section of Angolan society is officially made to benefit from opportunities that the Angolan political economy generates. He would just argue that this is not a bad thing, this is a good thing, and this is historically progressive for Angolan society. But at some basic diagnostic level, there's broad agreement about what has happened in Angolan society from that perspective. Obviously, this takes us to the question of MPLA hegemony, and I don't have the time to go into a lot of details. This is not just a project about the sheer maintenance of power, connected as it is to the fact that the president has been in power since 1979, and the continuation of the party and the continuation of the president in some ways are connected, at least in his mind, although not in practice. But more importantly, and there's a project for Angolan society, a specific idea of Angola that the MPLA embodies in all its contradictions, trying to implement across Angola. But at the heart of it, there is indeed a desire to remain in power forever. And this has to do with the fact that the MPLA runs elections. It is there's been elections in 2008 and in 2012, and these have been declared free and fair as elections, not at the campaigning level, because there's differential access between different political parties to the public sphere. But generally speaking, there hasn't been such a huge amount of ballot stuffing or anything like that. I think the important thing to emphasize here is that, and this, you know, is almost consensual in the interviews I've made with members of the party, in some ways the party's inherent belief in its own legitimacy to rule Angola emanates from inside, emanates from the party, emanates from the party's success, as they say it, against the Portuguese, against the South Africans, and finally against UNITA. But most importantly, it's a self-generated belief that only the MPLA is a force that has the legitimacy to run Angola. In other words, that the other forces, the Portuguese colonialists, because they were Portuguese colonialists, of course, but UNITA, because they were tribalists from the center, the Bakongo-related FNLA, because they were tribalists from the north, every other political force in Angolan society are in some strange way subnational or non-national or parochial or tribalist, and only the MPLA has transcended this and really has an agenda for Angola. So it's important to understand that there's a visceral belief in the legitimacy to rule, but that belief is in a way a revolutionary legitimacy from within and not from without, and certainly not the product of anything as conventional as an electoral mandate. And in that regard, I won't go into the details here. They're too juicy, and I'll bore you with the details, which is how this accrues, or how this comes together as a development vision for the MPLA. What is it made of? And I think the only word that I can think of to try to characterize this development vision, this high modernist agenda for the Angolan state in the 21st century, is the word Baroque. Because it is a composite of so many different influences, always mediated through the priorities. It's more than a bricolage. Whatever, a bricolage elevated to the 59th level is the way I would make sense of this. Yes, there are colonial resonances. The late colonial period is still a very influential because the late colonial period, despite the anti-colonial war, was an economically successful period. And people in the MPLA still see some of the signature projects of the 60s and the early 70s as very positive for the country. So there's a sort of late colonial nostalgia in some sectors that is important. But so are many economic models of the present. Brazil is a very, very strong influence in terms of policy and in terms of mentalities. China, although not so much at the policy level, at the level of broader inspiration, the Chinese Communist Party having been able to change Angolan Chinese society while remaining in power. That is obviously an inspiration. But there's so many others. I've heard Angolan minister once quote to me a book by Dale Carnegie called, a bestseller from the 1950s, called How to Make Friends and Influence People, which is a self-help book. He was kidding. He was basically saying that Angola now had to make friends internationally. It shouldn't just be sort of stay sort of narrowly confined in its sort of alliances. But the point here is that this Angolan-style post-war reconstruction is the product of a very cosmopolitan set of influences which emanate from the past, but also from the present, also from the private sector. Companies like McKinsey, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, they're deeply influential inside Angolan policymaking. For instance, McKinsey is implementing the non-oil tax reform. And there are many such examples. The important point to make here, just to sort of abbreviate this discussion somewhat, is that these influences are mediated through the prism of the Angolan elite and through their sense of priority. So the result, however cosmopolitan and bricoleur, ends up being an Angolan-defined model. And in this model, and this is one of the ironies I seek to explore in the book, is that this model is not the model that you find in Liberia or Sierra Leone or Kosovo or Afghanistan or Bosnia. It is not done by the UN and by the international donors. It's done by the Angolans. But the caste at the ground level is as international as what you find in your average UN mission. The difference is that whereas in Kabul or in Pristina or in Sarajevo, you find international organizations and international NGOs, what you find in Luanda is the foreign private sector, whose presence on the ground is essentially a huge service provision mechanism for the Angolan elite in the direction of Angolan-defined priorities. And this is a key difference. But at the human level, it isn't. Because at the human level, it just looks like a mass swarm of internationals has just come onto the ground. And the numbers are staggering. 200,000 Portuguese are perhaps now back to Angola. Between 40 to 80,000 Brazilians have been in Angola, at least until last year. The Brazilian presence over the last year has declined somewhat because of the economic crisis. The numbers often mentioned for the Chinese are 260,000. This was mentioned by the Financial Times. The real numbers may be above, slightly below, but it gives you an idea. And I'm completely impossible to calculate presence of Africans, Congolese, Senegalese, Malians, etc. Making Luanda now, in human terms, not just a sort of Dubai of sorts, but also a partly re-Europeanized city. With some of the visuals of Luanda are not so different from the early 1970s when it was one of the major European cities in sub-Saharan Africa. But again, the point to bear in mind here is that Angolan elites call the shots and that these service providers are there only insofar as they advance this Angolan-defined agenda. And this hegemony that I mentioned now, and I'm coming to a close in the next 3 or 4 minutes, this Angolan hegemony that I mentioned now is quite spectacular if you sort of imbibe narratives of African dependence. Of course, we all read work on extroversion and the idea that to start from the premise of over-dependence on the African side is a fallacy. But what is really characteristic of Angolan international relations over the last 10 years is just how empowered, how strong this previously failed state has become. And we're not even talking about a state that is now broadly symmetrical with its foreign partners. You could argue, certainly in the case of its relationship with China, at least in the short, medium term, this is in the process of changing, and in the long term, Angola will not be able to have an equal relationship with China. But for the first 10 years of this relationship, you could say that it's the Angolans calling the shots, and that the relationship, if there is any asymmetry to it, it's on the Chinese side rather than on the Angolan side. And this is obviously illustrated by the extraordinary role that Angolan investors, both public and private, have acquired in Portugal, a former colonial power, becoming, according to some estimates, the largest foreign direct investors into the Portuguese economy since 2008, and buying not just the banks and the media companies, but other strategic sectors across the economy, including also a huge stake in Portuguese real estate. But it's not just in Portugal. It's in Mayfair in London. It's in New York City. If those of you who watched Batman and you saw that big building in which he likes to do whatever Batman does on top of buildings, that's the Morgan Building in Wall Street. That's Angolan-owned now. And so is the old New York Times building in New York City. This footprint is really global, and at least until the oil price downturn started, it was really the sovereign wealth fund that was created in 2012 was also beginning to play an important role. The second largest sovereign wealth fund in Africa after Botswana's was also starting to play a very important role that is in some ways, at least for African standards, more akin to the sort of internationalization of oil rents, more akin to that of Qatar than some of the African stories that we're more familiar with. And this takes me to a very crucial, important point. This book is not about Angola at some ultimate level. It's really about, I would aspire that to have it be about the international economy more generally. Because this story, both in its cosmopolitanism, in its international aspects, but also in its nasty aspects, I'm thinking here about the pattern of capital flight, of money laundering, of the buying of Angolan political influence in Angolan in Western capitals, etc., financing political parties in places like Portugal. This is a story that is not Angolan in any narrow sense. It's not Angolan, but I don't mean this just in some moral sense. I mean literally, without the basic international financial infrastructure of lawyers, bankers, accountants, lobbyists, this story would never take place according to these standards. So before we sit here in judgment, the important thing to put is to put this story and certainly the behavior of the Angolan elite in the context of a world economy that is highly enabling of their ambitions rather than the opposite. Let me just end by making three brief points. The story that I've been telling you, the story of a regime that is cash-rich, politically autonomous from both external pressures and internal social pressures, is almost too good to be true. And it is too good to be true. And I'm making no big theoretical points about state autonomy from society. I'm merely saying that this was how things happened from 2002 to 2012. But this quite extraordinary aloofness, this space, this peace dividend that accrued not to the Angolan population, but to the Angolan government in the form of a carte blanche as to how they could reconceive their country in this initial peace era came to an end around 2012 or so. And the three reasons why it came to an end, some of it is just down to political gravity itself. It wasn't sustainable in the long run. Others have to do with particular developments in Angolan society, which I think should make us think very carefully about the political trajectory of the country in the coming years. The first one is obviously the youth bulge. And we all know that the political question of youth is crucial for the African trajectory in the 21st century. Angola is a caricature of that. Angola doesn't have a youth bulge. Angola has a youth issue that few African countries have to the same extent. Somewhere between 70 to 75% of Angolans are below the age of 25. For them, the war that consumed 1 million lives and ended in 2002 means more or less the same thing as the Second World War means to me. Their parents, and their parents means anyone like me who's above 35 years of age, their parents compare the situation of the last 10 years with the years of the war. And the comparison, even if they're critical of the MPLA, even if they're critical of the status quo, the comparison is always positive. No one is shooting at them. They are alive. and they are able to pursue their private lives within the boundaries of the reasonable. Now, this rationale that I've just outlined is completely valueless for the young. The young compare the present not with a past that they didn't know, but with a current reality which they aspire to have and don't have. And in that regard, you really need to think of what you could be described, Juliana, not pejoratively, just descriptively, as the Latin Americanization of Angolan society. In 2002, Angolan TV was Soviet style. It was grayish, it was boring, it was unadventurous. You know, circa 2005 onwards, Angolan television was taken over by Brazilian and Portuguese content producers, and it looks flashy and cosmopolitan and brash, and it shows everything. It shows how the rich live. If you were Angolan and you didn't live in the town center, you simply didn't know how the wealthy lived because they were in Lisbon or in the Ilha de Luanda or in Musulu. Now, everyone knows that there is this cosmopolitan culture of luxury which is there, but which they, the vast majority, cannot access. And this is having a radical impact on the culture of the young, especially the culture revolving around Angolan-style hip-hop called kuduro, which is a byword for urban shantytown youth male culture, which, you know, sorry for the facile analogy, but has some connotations with gangster rap developments in the 80s and in the early 1990s in the United States. Watch that space. What youth, and more generally Angolan society, does with this remobilization, with this awakening, is the number one political concern for the regime. And I'm leaving the rural aspects of those concerns best illustrated by the problems that happened in Huambo last month as a question that I think Didier is much more capable of addressing than me. But I'm certainly not assuming that the countryside will be stagnant and peaceful, et cetera, et cetera. But I think the urban equation is the equation, especially the shantytowns, the Musek equation, partly because the MPLA fears 1977, the ramifications of a previous insurgency under Nito Alves. That's always a concern at one point or the other. The second point is the overdependence on the oil, on oil. And in that regard, again, the government talks the talk. It's been talking about development, about industrialization, about agriculture for the last 10 years. Nothing wrong with the official rhetoric, but it just doesn't happen. And it doesn't happen partly because the incentive structures are just not there. It's not that it's been tried, but it fails, but rather that there isn't really a sincere effort on the part of decision makers to pursue this agenda. This is revealed by the fact that by 2014, Angola was... exports, between 95 and 96% of Angola's exports were oil-related. In other words, Angola was as dependent on oil, or arguably more dependent on oil, in 2014 than it had been 10 years before. It's not reducing its dependence, only slower than you would expect. It's not reducing its dependence. And the impact of the last 9-10 months of the decline in the oil prices is, as you would expect, catastrophic. And immediately jeopardizes pretty much everything that is on the table. So the economic model, and especially the need for an economic model that generates a massive number of jobs to accommodate this youth bulge, is another major question that will test the consensus. The third point, and I'll end on that point, is the succession issue. And this is the man that I barely mentioned during this presentation, José Eduardo Santos, smart, very smart micromanager, who's, in a way, built the system as it is. He would not be able to have built this system if it hadn't been for the extraordinary circumstances of the war. He used the war years to bring discretionary power under his person and the narrowly defined presidential clique around him, as opposed to the party, the government, or the armed forces. Really, he is as important as you would expect him to be over the last 36 years. But the result of that importance, which is in some ways non-developmental, and the book is very critical in that regard, but one should acknowledge two or three benefits of that unitary management, José Eduardo Santos style, which is the fact that, for instance, the oil sector was managed in a very rational way compared to, for instance, Nigeria. The result is that his demise, his departure, is likely to be as traumatic for the country as you'd expect, because the institutions are not there. They don't work. Even when you have a facade of parliament, of ministries, the ruling party, in effect, political power is highly personalized. And the extent to which, even if the ruling party is able to operate internally, a shift towards a dauphin, a new president, the idea that whoever comes next is able to pull the levers of power and achieve the same results as José Eduardo Santos is very naive. Something similar to what happened to Bédier, who tried to pretend he was Ufuet Boigny for a few years, and he realized that, the car didn't work with his keys. Something of that sort is likely to happen. Again, I'm done with my open presentation. It took 37 minutes, 12 minutes more than I said I would. But the point is that, I've mostly set the stage, the story aspect. But obviously this has all sorts of ramifications, including for other case studies that you might be more interested in, and I'd be very glad with my colleagues to explore that. Let me just say that I'm extremely happy to be here and thank Richard and Didier and Juliana and Gilles and Michel for having accepted this invitation. Thank you very much. Merci beaucoup, Ricardo, de cette présentation aussi synthétique de ton ouvrage, qui est même plus que ça. On va commencer la discussion. Michel, peut-être, tu veux prendre la parole en premier ou... Combien de temps? Pas 10 minutes, un quart d'heure, comme tu veux. On va éteindre là. La première chose que je voudrais dire, et ce n'est pas simplement formel, c'est le grand plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Non pas que les choses qui y soient contées sont plaisantes, mais parce que c'est un livre d'excellente qualité. Et je voudrais dire tout de suite qu'avec cet ouvrage, je pense que Ricardo est devenu l'un des meilleurs spécialistes de la planète sur l'Angola. L'autre personne, ça serait Didier, mais il ne travaille pas sur les mêmes choses. Voilà, donc j'ai à ma gauche au moins 50% des meilleurs spécialistes de la planète sur l'Angola. Voilà. Et puis ce qui me fait plaisir surtout, je le dis ici, parce que nous avons tenu une réunion dans cette même salle il y a presque une dizaine d'années. Ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir dire que la succession de Christine Messian est de la sorte assurée. Et ça, pour moi, c'est très important, puisque c'était une grande amie. Alors... Pour entrer directement dans le vif du sujet, le titre du livre est volontairement choquant, hein, « Magnificent and Beggar », ce qui d'ailleurs a déjà valu à Ricardo quelques commentaires vitrioliques dans la presse officieuse angolaise de la part de gens qui n'ont pas dû finir de lire la première page de l'introduction et qui lisent pas l'anglais. Voilà. Mais c'est plutôt bon signe. Mais en fait, le contraste... que le titre porte ne porte pas sur ces deux épithètes, dans la mesure où, comme Ricardo lui-même l'a dit, l'énorme majorité de la population, quasiment réduite à l'état de mendiant, n'est pas étudiée dans l'ouvrage. Hein, c'est un, à défaut d'être Wonderland, le pays de toutes les questions est un pays qui n'existe pas. C'est un pays qui a été proclamé par le MPLA et parce que ce parti au pouvoir depuis 1975 a besoin de pouvoir se regarder lui-même dans le miroir et a besoin d'aimer voir ce qu'il voit dans le miroir. Voilà. Alors cela dit, c'est pas simplement, c'est certes une, sur le plan imaginaire, c'est certes une dilatation du parti, mais c'est pas du tout simplement du parti qu'il s'agit, quoique le parti reste très important, et c'est quand même une grande caractéristique de l'Angola. C'est pas le cas dans tous les régimes hégémoniques en Afrique, où le parti est simplement un groupe de godillots. Là, le parti a sa propre importance, mais un complexe. Au sens strict, c'est vraiment quelque chose de très complexe, un complexe stato-partisano, créolo, ethnique, mais qui ne peut se résumer à aucun des quatre termes que je viens d'employer. Alors, le livre est écrit en termes mesurés. Et de ce point de vue-là, on peut le mettre en contraste avec cet autre livre qui est en portugais, « Donos Angolanos de Portugal », qui est presque un pamphlet. Mais c'est justement, je crois, la modération d'expression qui rend la condamnation implacable. Non pas que Ricardo ait pour objectif de condamner. Ce n'est pas sa posture de chercheur. Simplement, il décortique un processus qui s'est dit assez rapidement, et c'est redit dans la conclusion, n'a pas d'avenir, malgré les grandiloquentes analyses sur ce pays qui serait émergent, etc., etc. Et d'ailleurs, je crois que le livre se conclut par la pire des condamnations, bien que ce ne soit pas dit sous cet angle, mais c'est, en s'adressant aux Angolais, « Votre pays n'est pas émergent, mais il n'est, à n'en pas douter, délirant ». Et alors je crois que finalement, tu n'as pas mis ce mot dans le livre, mais tu avais pensé le mettre. Il est obscène. Hein, je crois que le mot n'y est pas finalement dans le livre, parce que tu n'as pas voulu choquer trop. Mais voilà, il y a de tels contrastes que ça en devient obscène. Alors le rôle d'un discutant n'est pas de résumer l'ouvrage. Je voudrais simplement poser quelques questions spécifiques. D'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre n'est pas téléologique. C'est-à-dire qu'en 1975... les dirigeants angolais, même les plus cyniques, n'avaient aucune raison de pouvoir savoir ce que serait leur pays en 2012 ou en 2014. Donc c'est vraiment un processus. Alors on peut dire après coup, c'est-à-dire le rôle des historiens, ça ne pouvait se passer comme cela, puisqu'il y a eu une modification de la nature sociale de l'élite, au début purement bureaucratique, les bas échelons de l'appareil d'État colonial, etc., etc. C'est bien expliqué dans le livre, jusqu'à aujourd'hui des affairistes. Ok, on peut dire que ça ne pouvait être que comme ça, mais il n'empêche que s'il n'y a pas un blueprint, il n'y a pas un grand plan tout décidé à l'avance. Bon, donc c'est un processus social, largement autant que politique, dans lequel naturellement la guerre a un rôle très très très important. Et c'est un processus complexe dans la mesure où le passage du paternalisme autoritaire au néo-patrimonialisme hégémonique lié au néolibéralisme mondialisé est rapide, mais c'est pas simple. Parce que, et on le voit bien dans le livre, quand on est un bureaucrate ou un général, on ne s'improvise pas si facilement un bourgeois ou un capitaliste ou même un homme d'affaires. Et recevoir une rente n'est pas synonyme de savoir extraire la plus-value de la production ou de savoir réaliser un bénéfice dans le commerce concurrentiel. Cependant, ce sont globalement les mêmes personnes qui passent de l'état d'élite, d'une élite, qui sont passées de l'état d'une élite dotée de privilèges par rapport à aujourd'hui modérés, mais par rapport à la situation d'alors importante, qui est dans l'époque dite marxiste-léniniste dotée de privilèges liés aux fonctions politiques et non directement accumulables, un bon salaire, un bel appartement, mais qui ne leur appartenait pas forcément, à celle d'élite dotée de l'attribution personnelle de rente privée. Et donc c'est bien le tournant capitaliste qui a permis le passage du paternalisme autoritaire au néo-patrimonialisme hégémonique. Et l'auteur se livre, certains de ses pages sont les plus à la fois faciles et captivantes à lire, à une vraie anthropologie économique, parce que vraiment, il nous montre comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Et alors là, derrière un tout petit reproche, parce qu'en fait, tu nous dis comment ça s'est passé principalement à partir de, disons, 1990. Mais ça se passait quand même déjà un peu avant. Oui, oui. Par exemple, tu commences l'accumulation privée ou primitive du capital, tu commences avec la manipulation, enfin, les profits de la guerre naturellement, et puis la manipulation à la compte de guerre et la manipulation des cours du change entre le taux officiel. Et mais il y a eu toute la période des fameuses caisses de bière. Bon, et ça, c'était aussi j'ai assez. Mis ça dans, comment est-ce qu'on dit dans les notes de bas de page. Bas de page, il y a des gens qui ont écrit. Ouais. Donc, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que je veux dire, ce qui peut se passer en 1990, ça concerne certaines personnes qui sont déjà des personnes. Elles sortent pas comme des. Elles apparaissent pas comme des champignons après la pluie. Alors, ma première question portera justement sur la question du néo-patrimonialisme. Alors que, à mon avis, la totalité du livre ne parle que de ça. Je crois que le mot, le concept, n'est cité nulle part dans le bouquin. J'ai vérifié dans l'index, j'ai lu le bouquin avec beaucoup d'attention, il est rempli de remarques, de crayons, mais je crois... Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Alors, on peut évidemment discuter de ce concept. Hein. Moi-même, j'ai écrit un texte pour dire que, à mon avis, le concept, par exemple, d'État néopatrimonial ne faisait pas sens, même s'il y a une tendance à la pénétration du néopatrimonialisme dans l'appareil d'État. Mais il y a quand même bien un phénomène néopatrimonialiste fort dans les États capitalistes de la périphérie, ce qui est une forme d'accumulation du capital dans des conditions où, justement, l'élite n'est pas une bourgeoisie. Mais donc cette absence complète m'interroge. Et j'aimerais bien que tu répondes. D'autant plus qu'avec le débat sur le néopatrimonialisme, vient immédiatement après celui sur la nature de l'État, de l'économie et sur la nature sociale de l'élite. Voilà. Et donc ma deuxième question ou remarque, hein, c'est pas forcément toujours des questions, porte justement sur la nature de l'État angolais. Alors bon, ceux qui me connaissent vont rire, ça c'est une vieille marotte d'un vieux marxiste, la nature de l'État, bon, tout le temps. Mais c'est comme ça, je suis né comme ça, je peux rien y faire. Alors, il est clair que l'État angolais gère au mieux des intérêts de son élite, l'interface avec le monde capitaliste hégémonique depuis la chute du stalinisme sénile. Bref, il est clair qu'il s'agit d'un État capitaliste. Mais tu montres très bien que le comportement quotidien des membres richissimes de l'élite n'est pas capitaliste, mais rentier et ostentatoire. Bon, alors on peut discuter pourquoi après. Tu utilises sans vraiment le discuter le concept de capitalisme d'État, parfois avec des guillemets, parfois sans guillemets. Parfois aussi, tu emploies une formule beaucoup plus empirique et qui, personnellement, me paraît beaucoup plus correcte, de « state-led capitalism ». Bon. Donc, le rôle de l'État, ou tout au moins de son cœur, c'est-à-dire la présidence et la Sonangol, dans l'accumulation privée est tout à fait central et indiscutable, revendiqué par cet État lui-même, j'y reviendrai ensuite. Mais il n'empêche que quand il privatise, quand il permet l'appropriation de capitaux, cela tombe bien en des mains privées. Alors certes, on peut analyser ça à la manière de Béatrice Hibou, la décharge, etc. Mais il n'empêche que, là j'avais une petite divergence avec Béatrice, c'est que la décharge, ça marche très très bien et ça renforce même le contrôle de l'État à court terme. Mais à long terme, les choses deviennent bien privées. Et quand le gouvernement aura changé deux fois, trois fois et quand on sera à la troisième ou quatrième génération, c'est quand même bien, un amaigrissement de l'assiette économique de l'État. Bon. Alors, cela dit, l'État, et tu le montres bien, reste indispensable même aux plus riches des privilégiés, car la sécurité de leur appropriation du capital n'est pas encore assurée, et surtout, même intergénérationnellement. On pourrait, avec un changement politique, on pourrait avoir des tas de procès sur les biens mal acquis, etc., etc. Bon, certes, donc ils ont besoin de l'État, et en particulier, c'est pour ça qu'ils ont peur de la succession de José Eduardo dos Santos. Serait-ce pour autant un capitalisme d'État, c'est-à-dire un capitalisme dont l'accumulation aurait pour objectif l'État lui-même, même s'il donnerait des privilèges à ses dirigeants ? Bon, la réponse me semble évidemment négative. L'État, aussi central soit-il, c'est un outil aujourd'hui. Et c'est pas autre chose qu'un outil. Alors, là, une petite pique. Bon, c'est tout à fait marginal dans le bouquin, mais... Parce que le MPLA, et ça c'est vrai que c'est très intéressant, le MPLA continue à employer un vocabulaire classiste. Dans beaucoup d'anciens partis révolutionnaires ou progressistes qui ensuite s'adaptent parfaitement au capitalisme, le discours change. Et en particulier, on commence à dire qu'il ne faut plus parler de lutte des classes, que c'est un logiciel dépassé, que c'est des théories du 19e siècle. On croirait être en France quand je dis ça. Bon, le MPLA, non. Le MPLA parle avec des mots marxistes sur le rôle historiquement nécessaire de la bourgeoisie nationale, etc., etc. Tu en conclus que c'est un capitalisme que l'on pourrait considérer comme un capitalisme léniniste. Pas toi, Ricardo, pas ça, je veux dire. Là, vraiment, c'est le superficiel du superficiel du super... Ça me rappelle des analyses d'il y a plus de 15 ans, quand Philippe Loiry avait fait une analyse sur le Mallory Congress Party, et qu'il avait considéré que ce parti était organisé, était structuré de manière marxiste-léniniste, tout simplement parce que c'était super, super serré, super discipliné, etc., etc. Il aurait pu dire tout aussi fasciste. Mais dans le contexte de la chute du mur de Berlin, il avait dit léniniste. Je veux dire, donc... alors, cela dit, le maintien de ce discours classiste est très intéressant en soi et montre que là encore, il y a une spécificité. C'est-à-dire que le MPLA ne nie pas du tout le fonctionnement classiste de l'histoire. Simplement, il a changé de classe. Voilà. C'est une autre manière de fonctionner. Et d'une manière générale, d'ailleurs, moi, j'ai toujours été extrêmement... méfiant face à des caractérisations hâtives comme tu te rappelles les bouquins de Tony Hodges sur, sur afro-stalinisme, etc. Bien sûr qu'il y a une influence du stalinisme, notamment sur l'imaginaire anticolonial de la nation homogène des mouvements anticoloniaux, en particulier dans les anciens pays de colonisation portugaise. Mais le stalinisme avait au moins réussi quelque chose par des moyens délirants, c'était la destruction complète du capitalisme, quand l'Angola ou le Mozambique sont restés des états capitalistes de la périphérie. Voilà. Donc, troisième grande question, qu'est-ce que l'élite angolaise ? Et là, je pose vraiment une question parce que moi, je n'ai pas la réponse. Et tu donnes des touches, mais sans... C'était d'ailleurs pas forcément ton objectif, sans qu'on ait une définition claire. Parce que, est-ce que c'est une classe sociale en sens de Marx ? Est-ce que c'est une caste au sens de Trotsky, quand il essayait de caractériser l'appareil, la nomenclature stalinienne ? Est-ce que c'est un corps social au sens de Meyassou, cherchant à définir des milieux sociaux qui dérivent de classes sociales sans en faire partie ? J'irais même d'une manière, une question très... C'est quoi ce truc ? C'est quoi, je veux dire, des gens infiniment riches. Alors certes, accoler un concept à un phénomène social ne permet pas ipso facto de mieux le comprendre, mais ça pourrait permettre, par la montée en généralité, de mieux comparer avec d'autres situations pour mieux appréhender chacun des termes de la comparaison. Par exemple, est-ce qu'on a en Angola, et j'ai l'impression que non, est-ce qu'on a des grands commerçants de type nigérian, kényan ou sénégalo-mouride? Voilà. Est-ce qu'on a des processus bourgeois d'accumulation? Bon. Et je crois d'ailleurs que ton utilisation du... Alors, je ne sais pas si c'est un concept, mais de cette qualification d'oligarque, d'oligarchie, bien évidemment avec un clin d'œil à l'Union post-soviétique, est tout à fait justifiée, parce que c'est bien à partir de l'État que se sont construites des fortunes rapides, non point par extraction de la plus-value directement à partir de la production ou de l'échange, mais par des transferts politiquement décidés formant une strate d'oligarques politico-rentiers. Alors une différence quand même avec la Russie post-stalinienne, dont je ne suis pas spécialiste, et on aura tout à l'heure un spécialiste pour nous éclairer, les oligarques russes sont originellement des voleurs, mais ils ont mis la main sur des outils de production. Nombre d'entre eux sont morts dans les années qui ont suivi, bon, assassinés par ceux qui ont survécu, en un processus rondement mené de concentration. Mais on peut penser qu'ils ont donné naissance à une bourgeoisie. Ils ont toujours besoin de la protection de l'État. Et s'ils ne la recherchent pas ou la contestent, il leur arrive des problèmes. Mais ce n'est plus forcément directement de l'État qu'en provient leur fortune. À l'inverse, tu montres que tel n'est pas, ou en tout cas tel n'est pas encore le cas en Angola. Même quand un Angolais est partenaire d'un investissement étranger, dans le cas général, puisque pour qu'un investisseur étranger puisse rentrer, il a forcément sa contrepartie angolaise, la contrepartie angolaise, en général, sous-contracte une autre compagnie étrangère, en général étrangère, pour assumer sa part parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il n'aime pas, parce qu'il ne sait pas faire cela, il préfère rester dans une position rentière. Alors, on peut avoir des exceptions, et la plus belle, naturellement, c'est, enfin, ou semi-exception, et la plus belle, naturellement, c'est Isabel dos Santos. Mais la question, c'est survivra-t-elle à l'amour politique de son père ? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que oui, hein, mais la question qui se pose est donc toujours la suivante. Qu'à l'origine du capital, il y ait du grand banditisme, de par la violence inouïe de l'extraction de richesses, ça on le sait depuis Marx. Mais cependant, le servage, l'esclavage, je dois arrêter, je parle trop longtemps ? Bon, 3 minutes. Le servage, l'esclavage, le travail forcé colonial, par exemple, intervenait sur le processus de production et le capitalisme qui en est né est donc centré sur la production. Alors que l'oligarchie angolaise ne le fait que très indirectement, via l'État, sauf sans doute dans les mines des diamants de sang critiquées par Rafael Marques, ou évidemment dans le pétrole, mais là c'est la zone Angole qui n'est évidemment pas privatisée. Donc les oligarques angolais ne sont pas des bourgeois, ce sont des affairistes, ce sont des bandits, mais la question c'est, est-ce qu'on peut penser que les enfants de ces bandits deviendront des bourgeois respectables, tels que souhaités d'ailleurs par quelques Angolais eux-mêmes. L'impression que donne ton livre, c'est que même quand ils rentrent de l'étranger dotés de MBA obtenus dans des bonnes écoles de langue anglaise, peu nombreux semblent ceux qui s'engagent directement dans la production, tant il semble plus efficace à court terme de continuer dans la voie tracée du protectionnisme stato-présidentiel. Et de ce point de vue-là, même pour les belles exceptions, par exemple la fille du président, Isabel dos Santos, j'utiliserai une comparaison. Le groupe Mittal indien, pays dont je ne suis pas le spécialiste, mais peut-on dire que Mittal est encore une entreprise indienne ? Certes, ce groupe a utilisé l'Inde comme sa base d'accumulation primitive, pourrait-on dire, mais depuis qu'il a opéré sa globalisation, que la majeure partie de sa richesse est produite hors d'Inde, qu'il est coté à la Bourse de Londres, que son siège social mondial est en Hollande, peut-on dire qu'il est encore une entreprise indienne ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait possible que tous les capitaux placés par Isabel dos Santos à l'étranger, et pas simplement au Portugal, le Portugal n'a été qu'un marchepied, et bien que si elle survit, elle survive comme un groupe capitaliste qui se sera lui-même localisé au centre du monde. Et donc ce discours du MPLA, même quand il marche, est encore demi-exception, parce que quand même la plupart des placements d'Isabel dos Santos, c'est pas la création d'entreprise, mais c'est des placements qui montrent l'origine rentière qui rappellent son origine rentière. Mais ça sera pas forcément une entreprise donc angolaise. Et d'ailleurs, la crise actuelle sur laquelle se termine le livre, bien que tu n'aies pas eu le temps d'élaborer, puis ce n'était pas l'objectif du livre, mais qui montre bien la grande fragilité. J'ai terminé le livre il y a un an et demi, donc... Voilà, en fait, ça commençait juste. Une crise viendrait, en fait, elle est venue. Elle est venue, mais tu as peut-être pensé que c'était la même que la crise de 2008, alors que, semble-t-il, elle semble beaucoup plus importante que celle de 2008. Plus profonde. Voilà, plus profonde. Normalement, s'il y avait déjà cette bourgeoisie nationale embryonnaire, on devrait avoir un mouvement accéléré de rapatriement des capitaux. Comme il s'est produit, par exemple, quand il y a eu la crise asiatique, beaucoup de capitaux américains ont quitté l'Indonésie, la Malaisie et sont rentrés aux États-Unis, etc. Là, à ce que je sache, il ne se passe absolument pas de rapatriement des capitaux. Au contraire, ça serait plutôt l'inverse. Alors, pour terminer, parce que je parle trop et j'ai prévu trop de choses. Oui, l'idéologie du développement. Ce qui est... je parle bien ici du discours, bien sûr, et pas de la réalité. Bien que le discours est une réalité, il n'a pas tellement changé. Enfin, elle n'a pas tellement changé. Avant, on avait des grandes fermes d'État avec la coopération bulgare et des tracteurs lourds qui s'enfonçaient dans les marais. Maintenant, c'est Israël. Mais enfin, dans tous les cas, ce sont des îlots de technologie avancée à haute teneur en capital fixe et qui n'ont jamais comme objectif de dynamiser l'agriculture paysanne alentour ou l'artisan alentour. C'est toujours des îlots. Et de ce point de vue, le MPLA, dit marxiste-léniniste ou aujourd'hui ouvertement, qui se dit lui-même national-bourgeois, reste fidélissime de l'idéologie du développement qui associe la pauvreté à l'arriération et non point à la périphérie ou à la discrimination de classe et qui associe la richesse à la modernité. Et de ce point de vue, le mozambicaniste que je suis voit une petite différence avec le Mozambique, c'est qu'à l'ère guébouzienne de l'ancien président Guebuza qui vient de quitter le pouvoir, il y a eu aussi un discours stigmatisant la pauvreté. Mais c'était le discours du président, c'était les gens qui sont pauvres sont des gens qui manquent d'auto-estime. Ils n'ont pas assez de fierté, donc ils n'osent pas s'avancer, et donc ils restent pauvres. Alors certes, c'était un discours qui accusait les gens eux-mêmes d'être pauvres. De ce point de vue-là, il était aussi... Il était également fidèle à cette idéologie du développement. Mais du moins, il s'adressait aux gens, ne serait-ce qu'en les condamnant. Là, on a l'impression que le MPLA ne s'adresse même pas aux gens. Il développe une idéologie simplement pour pouvoir se regarder dans le miroir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je vais terminer par deux seuls points. Sur la race, mais vraiment 15 secondes parce que je ne développe pas. Tu dis que Jordan de Santos a toujours maintenu très fort la question de la race sous le manteau, même qu'elle affleure très souvent. C'est quand même lui qui a décrété la loi qui obligeait à mettre la race sur la carte d'identité. Oui, même si ça n'a pas duré très très longtemps. Tu vas me répondre après, comme ça me permet de terminer. Et que dire de l'idéologie de l'élite aujourd'hui, de ce que mes étudiants brésiliens appelaient « a mulatidade » comment traduire ça en français la volonté de blanchiment de l'élite, qui bien sûr ne peut pas être blanche, mais donc on regarde les journaux de luxe angolais, dans la couverture, c'est toujours des femmes métisses. Je veux dire, c'est vraiment bon, c'est très très. Et puis la question sur l'avenir politique du régime. Bien sûr, ton boulot n'était pas mais tu réfléchis quand même un petit peu là-dessus, même si ton livre a été fini il y a un an et demi. On a l'impression que la seule... tu ne crois pas du tout à une révolution radicale. Tu ne crois pas non plus au statu quo. Mais tu penses à une possibilité d'élargissement du néopatrimonialisme pour le rendre un peu plus vivable. Or, est-ce que c'est possible quand justement, comme tu viens de le dire en terminant, les deux tiers de la population angolaise formée de gens qui ont moins de 25 ans, donc que la guerre n'est pas un facteur politique pour eux, même si certains étaient déjà nés, mais ils étaient encore enfants. Voilà. Le colonialisme, je parle de la guerre civile, même de la troisième guerre civile. Et donc la légitimité du MPLA, non seulement anticoloniale, mais artisans d'apage, artisans de la paix, c'est pas... Et ces gens-là, quand ils vont commencer à réclamer leur... quand la peur du retour à la confusion, comme disent les Portugais, quand la peur du retour à la guerre va tomber, on peut avoir un mouvement social que je ne peux pas... dont les formes, je ne peux pas imaginer. Mais... Et en plus, avec cette folie de Luanda, 6 millions d'habitants sur combien le pays, 18 en ce moment ? 6 millions 500 000. Oui, sur 18 en total ? 24 millions. 24 millions, bon d'accord, ok. Bon, c'est une folie complète. Donc cette possibilité d'élargissement du néopatrimonialisme, de l'extension de cette assiette sociale, me semble tout aussi impossible que la révolution radicale ou le statu quo. Voilà. Merci Michel de ces commentaires, ces questions, y compris prospectives. Ricardo, ce que je te propose, parce que... pour. Effectivement, si on le ouais. peut, puisqu'après, il y a un débat écrit, c'est qu'on passe. On passe immédiatement. Tout le monde, et puis très bien. Tu vois après comment tu gères il y a les réponses juste, ou si tu as des trucs urgents. Juste des trucs urgents, il y a des choses que. Fascinant, Michel, merci pour tes commentaires. Il y a deux choses seulement. Il y a deux choses seulement que je veux clarifier pour que ça. Bien sûr, si vous avez des questions similaires, je serais content de les répondre. Mais juste pour clarifier, mon objectif avec ce livre, c'était vraiment. C'est pour ça que le livre n'a même pas des notes de page. Il y a des notes de fin de livre. Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? De fin de livre. C'est. Je voudrais écrire un livre qui serait lu. Franchement, pas par tout le monde, mais au moins par d'autres africanistes qui ne sont pas des angolanistes, mais qui s'intéresseraient là-dessus. C'est quand même la troisième grande économie africaine et on ne parle pas beaucoup de la situation en Angola. Donc, j'ai fait des choix, notamment au niveau de, disons, du apparatus intellectuel et conceptuel, pour ne pas devenir trop. Universitaire, disons. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé des concepts usables que je trouve qu'ils sont imparfaits et où, bien sûr, je sais qu'il y a une énorme littérature au sujet de ces concepts. Mais je les ai utilisés quand je pensais que je pourrais les utiliser d'une façon suffisamment satisfactoire pour dire ce que je voulais dire. Cela dit, j'ai des 4 ou 5 papiers vraiment conceptuelle et comparative, qui n'intéresse à personne sauf les autres universitaires, ou le concept de capitalisme étatique géant que je suis en train d'écrire, ou plutôt un autre qui c'est plutôt au sujet de la littérature, de la sociologie des élites qui va jusqu'à Pareto et Mosca et Aron et tout ça. Donc je partage avec toi, parfois il faut utiliser des concepts, même si on n'est pas complètement satisfait. Dans ce cas-là, j'ai trouvé que le concept de néopatrimonialisme n'était pas suffisamment utilisable. Je pensais que maintenant, depuis 5-6 ans, dans la profession africaniste, il y a tellement de débats au sujet du néopatrimonialisme. Je trouve que parfois, ces débats sont un petit peu trop chauds, parce que le néopatrimonialisme est là depuis Médard et même avant, parce qu'on n'a pas d'autres concepts qui sont aussi opératoire, même si on est très très très si on est mal à l'aise avec le néopatrimonialisme. Donc je suis tout à fait pour la démarche de trouver des outils conceptuels qui nous amènent au-delà du néopatrimonialisme, et c'est pour ça que j'ai utilisé des expressions moins connotées, moins lourdes, comme le clientélisme par exemple. Ça, c'est une autre question que tu as posée. L'autre question, c'est la question, par exemple, du capitalisme léniniste. Bien sûr que je l'utilise d'une façon extrêmement ironique et pas conceptuelle du tout. Ah, mais quand même. Mais je peux te dire que ce que j'ai un doctorant qui est en train de terminer une excellente thèse sur le EPRDF en Éthiopie, Tony Weiss, qui était étudiant de Roland, et il utilise l'expression « vanguard capitalism ». C'est vraiment aussi pour lui une expression très ironique, mais ça veut dire que les partis uniques qui sont devenus partis hégémoniques, même dans un contexte pseudo-pluraliste, ce sont des partis que leurs opérations intérieures sont encore les marxistes-léninistes. Ils ont un politburo, ils ont un comité central, ils ont un présidium. Disons, comme machine, ce sont des partis très, très, très liés à leur passé léniniste. C'est pas seulement au niveau organisationnel, c'est aussi au niveau de cette légitimité internellement générée, si je me fais comprendre. Et c'est à cause de ça que, par exemple, n'importe qui est en train d'étudier SWAPO en Namibie, les ANC, bien sûr, Frelimo comme toi, ZANU-PF dans le cas zimbabwéen, tôt ou tard, l'analogie léniniste revient, même si on sait qu'elle n'a aucune valeur normative. Donc je l'utilisais d'une façon assez bref, il n'y a même pas d'explication, elle apparaît une fois. Et bien sûr, je l'utilise dans le contexte où un interviewé du Willem Pella dit « on était l'avant-garde avant, on est encore l'avant-garde ». On était l'avant-garde socialiste, maintenant on est l'avant-garde bourgeoise. Hein, mais c'est juste dans ce contexte. Et je termine parce que c'est une question des précisions de termes. Toutes les autres questions sont trop longues. Je vais répondre après si va, je peux. On ne va pas faire un débat. Oui. Juste une insiste, c'est quand même. Il faut faire attention parce qu'il y a peut-être une des différences entre la MPLA et l'Angola et la situation éthiopienne. En Éthiopie, le pouvoir, c'est le parti, c'est pas l'État. Oui, et l'Angola, c'est le parti-État. Qui est une expression qui vient de la littérature soviétique aussi. Le représentant du parti dans une région est l'homme le plus puissant de la région, la femme la plus puissante en l'occurrence. Ça peut arriver aussi en Éthiopie. Alors que. Et ce n'est pas le gouverneur. En Angola, le gouverneur est le secrétaire provincial du parti. La plupart des fois. C'est un point intéressant en matière de comparaison. Bon, peut-être que justement l'élargissement et la comparaison, on peut peut-être se le garder pour après. Bien sûr. Hein, on va donner la parole peut-être à Didier maintenant. Hein. Ok, oui. Merci. Merci tout d'abord, Richard, pour d'avoir organisé ce débat et pour l'invitation. Merci à Ricardo pour cet excellent livre que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais bon, en tant que rédacteur chef de Politique africaine, mon boulot, c'est souvent de restreindre les ardeurs des gens qui publient pour essayer de tenir dans les clous du nombre de pages qui nous est imparti. Donc je vais essayer d'être très bref aussi pour qu'on ait un petit peu de temps pour le débat. Malgré ça, je résiste pas à la tentation de commencer en citant un des articles Vitriol que tu as mentionné tout au début de ton intervention, un des articles Vitriol qui ont été écrits en Angola suite à la publication du livre de Ricardo. Dans le journal d'Angola, qui est vraiment le porte-parole du gouvernement, et qui s'est aussi spécialisé depuis peut-être 5-6 ans, je dirais, comme ça, dans la publication régulière d'éditoriaux ou d'articles dans les pages d'opinion qui sont vraiment au vitriol, c'est le moins qu'on puisse dire. En l'occurrence, l'article s'appelle « Jamba et le docteur d'Oxford ». Jamba, c'est donc le nom de la capitale de l'UNITA, qui a été développée comme ça dans les années 80. Et qui, en gros, résume en un seul mot le pire de ce qu'on peut imaginer en termes de risque de retour en arrière, de tribalisme, de savimbisme, de déviationnisme et de tous les ismes les pires qu'on puisse imaginer. Donc Jamba est le docteur d'Oxford. C'est lui, le docteur d'Oxford. Qui, en gros, c'était donc pas un article qui critique le livre, parce que je pense pas que le journaliste a lu l'article en question. C'était un article qui réagissait à une recension du journal, du livre dans le Financial Times. En gros, voilà, Ricardo, les épigones du Financial Times sont payés par la drogue, les diamants et l'ivoire qui circulaient à Jamba, l'ivoire encore, effectivement. Et ils font partie d'une conspiration internationale bien connue qui s'en prend aux révolutionnaires angolais qui ont délivré la partie de la patrie, etc. Puis l'extrait dont je ne peux pas m'empêcher de vous lire. À propos des riches angolais, là je cite, ou je traduis, disons, à propos des riches angolais, une chose est sûre. À l'origine, ce n'étaient ni des pirates ni des voleurs. À l'origine, est une concession assez intéressante. Mais enfin, on ne va pas s'attarder là-dessus. Certains d'entre eux passèrent des années dans les camps de concentration du régime colonialiste et nazi de Lisbonne. Missombo, Trafal, Bentiaba, São Nicolas, enfin bref, le nom des camps en question. D'autres se lancèrent dans la lutte armée à un très jeune âge comme révolutionnaires. Et c'est les armes à la main qu'ils conquirent l'indépendance. Dès le 11 novembre 1975, donc la date de l'indépendance, ils firent face à un blocus non déclaré. Un jour, les patrons du docteur... Ricardo, donc, du Financial Times et des autres vendeurs d'espace médiatique ont appuyé un canon sans recul sur la tempe des révolutionnaires angolais et ils leur ont dit « Ou vous adhérez au capitalisme, ou on tire ». Ils adhérèrent. Certains devinrent riches, suivant à la lettre les principes et les enseignements du capitalisme. Ils sont peu nombreux, mais ils sont bons. Ils s'étaient forcés à devenir des capitalistes. Les pauvres, ils ont été forcés, contraints, le pistolet sur la tempe, à devenir des vrais capitalistes. Mais comme ils sont intelligents, certains sont devenus des voleurs. Ils étaient ni des voleurs ni des pirates. Bref. Cela dit, je pense que c'est à la fois intéressant parce que on pourrait faire toute une analyse de texte de ce petit article d'opinion, mais c'est aussi intéressant que le journal d'Angola se sente se sont obligés de faire paraître une diatribe de ce genre à la sortie d'un livre, pas du tout pour minimiser l'importance du livre en question, mais parce que c'est effectivement rare que les livres de nous autres chercheurs fassent comme ça, pas tout à fait les premières pages, mais enfin les pages importantes d'un journal comme celui-là. Le fait que ce soit suite à un article du Financial Times a certainement joué un rôle là-dedans. Mais un autre aspect qui, à mon avis, est intéressant et qu'on ressent quand même dans ce genre d'article et aussi dans l'attitude générale du MPLA face à ces critiques, c'est finalement une certaine nervosité. Il y a un certain nombre de choses, on peut laisser passer comme ça certaines critiques, il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites pour qu'on puisse jouer le rôle de la carte démocratique ou presque, ou de l'ouverture à Luanda, mais il y a un certain nombre de lignes rouges comme ça qu'il ne faut pas franchir. Christine Messiaen en avait franchi une à ses dépens il y a quelques années à propos d'un article qui traitait de la Fondation Eduardo dos Santos. Ici, en quelque sorte, il y en a une similaire finalement qui est franchie lorsque ce genre de critique du régime passe du livre au Financial Times. Mais ça représente quand même une certaine nervosité sur laquelle j'essaierai de revenir dans cette très brève intervention. Je passe rapidement sur les louanges, parce que j'ai aussi beaucoup apprécié ce livre qui est à la fois très dense et qui arrive en finalement assez peu de pages. Hein. C'est un livre de 200 pages à peu près, 300 si on ajoute toutes les notes. Mais, oui, mais sans les notes, le texte en lui-même fait 200 pages, juste 200 pages. Et c'est à la fois, évidemment, une analyse des 10 années qui ont suivi la paix en Angola, mais aussi un livre qui a une certaine profondeur historique, dans la mesure du possible, avec si peu de pages, mais enfin quand même une profondeur historique qui est très importante, en l'occurrence. Je vais me borner donc à poser quelques questions, faire quelques remarques, ou plutôt une question centrale, et si j'ai le temps, quelques questions annexes. Finalement, en refermant le bouquin, la question que je me suis posée, mais c'est comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'hégémonie du régime angolais? Qu'est-ce que c'est que cette hégémonie, en fait? Comment est-ce que ce parti omnipotent, qui a non seulement gagné la guerre, mais qui a surtout gagné la paix, j'y reviendrai, qui a comme ça, qui contrôle en fait tous les leviers du pouvoir économique, social, médiatique et bien sûr militaire depuis 2002 et encore bien avant pour certaines parties du pays, comment est-ce qu'on peut qualifier cet État? Qu'est-ce qu'il s'agit d'un régime autoritaire, hyper-autoritaire, dictatorial, centralisateur? Est-ce que l'hégémonie est vraiment entière ou pas, en fait? C'est un petit peu la question que je me suis posée tout au long de la lecture et à la fin. Et je suis arrivé avec plus de questions que de réponses, ce qui est plutôt une bonne chose, généralement. Je trouve que quand on finit un bouquin avec plus de questions, c'est qu'il a fait ce qu'il devait faire, ce bouquin. Finalement, le paradigme auquel tu te réfères sans le faire vraiment de façon très, très explicite durant tout l'ouvrage, c'est le paradigme rentier, on va dire, de l'État rentier, bien que tu prennes un certain nombre de libertés, certainement par rapport à ce paradigme-là, mais on sent qu'il est là, en quelque sorte, si je peux le résumer de façon certainement un peu trop rapide. Voilà, c'est un État qui contrôle une rente phénoménale, rente pétrolière, bien sûr, depuis bientôt 50 ans à peu près, toutes sortes de rentes de l'internationalisation du capitalisme d'État angolais depuis 2002, une rente qui lui donne comme ça à la fois une puissance de projection au niveau global qui est assez impressionnante et évidemment une puissance de projection aussi à l'intérieur. Et malgré cette hégémonie, ou en tout cas ce contrôle des ressources à l'intérieur d'un tout petit cercle, on sent encore une fois une certaine nervosité, et on sent, et tu le dis aussi, on sent bien qu'il y a des interstices comme ça, il y a des fêlures dans ce contrôle hégémonique. Mais c'était un petit peu, j'aimerais encore te pousser un petit peu plus là-dessus pour voir comment tu analyserais ça. Une des questions qui se pose aussi par rapport à l'Angola est justement par rapport à la question hégémonique, par exemple, c'est la question de l'absence de révolte sociale. Il n'y a pas eu de révolte sociale en Angola, en tout cas depuis le milieu des années 70, depuis 1977, le 27 mai auquel tu as fait référence, qui reste une date où il s'est passé des choses assez peu claires, mais en tout cas qui marque le seul moment où il y a eu quelque chose comme une révolte sociale en Angola. Depuis, il n'y en a jamais eu, même même au moment où, par exemple, le plus grand marché à ciel ouvert, ou un des plus grands marchés à ciel ouvert d'Afrique, Rock Santeiro, qui permettait de vivre à des milliers de personnes à Luanda et ailleurs, a été fermé comme ça, manu militari. Ça n'a jamais donné lieu à des révoltes. Alors, est-ce que ça veut dire, encore une fois, que le contrôle est encore plus important qu'on l'imagine ou pas? Pour poser cette question, pour essayer de prolonger cette réflexion, deux ou trois petites choses. Il y a d'abord une dimension historique que tu cernes bien dans l'ouvrage, mais qui mériterait certainement d'être développée si on avait plus de place. Dimension historique, où il y a plusieurs dimensions historiques, mais celle à laquelle je veux faire référence ici, c'est par rapport à la vision du développement que projette comme ça le gouvernement angolais. Tu dis à juste titre et à plusieurs endroits qu'il s'agit d'une vision high modernist, en suivant James Scott. Effectivement, Luanda aussi est un exemple très, très parlant de ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, je me demande aussi dans quelle mesure, dans cette vision de développementalisme, en tout cas de modernisation à marche forcée, il n'y a pas aussi, et je pense que tu seras d'accord avec ça parce que tu en as parlé dans d'autres écrits, et notamment un article qu'on a publié dans Polaf, il n'y a pas aussi une grande réticence et une grande peur, en fait, de la part d'un régime qui, tout à coup, se retrouve en 2002 dans une situation paradoxale de contrôle total de tous les leviers du pouvoir, encore une fois, mais qui ne sait pas comment entrer en contact avec la plus grande partie de son territoire et finalement la plus grande partie de sa population, qui est une population, malgré l'importance de Luanda, qui est une population plutôt rurale, qui est à des années-lumière encore de Luanda et même des centres urbains à l'intérieur du pays. Une réticence qui fait que tout le discours du MPLA et tous ces plans de développement, si on peut les appeler comme ça, sont tournés ou sont orientés vers une espèce de contournement comme ça de cet Angola réel, de cet Angola profond, et en quelque sorte qui reproduisent ces vieilles divisions au sein de la société angolaise qui remontent aux premières décennies de l'ère coloniale, qui ont été creusées par toutes sortes de dynamiques historiques durant la période coloniale et que naturellement la guerre civile n'a fait que creuser encore, tout en étant la guerre civile aussi une expression même de ces divisions sociales, régionales, ethniques, etc. Donc, en quelque sorte, ce défi que tu poses très bien dans le livre, qui est d'unir l'Angola, un pays qui était plutôt une espèce d'archipel sous contrôle, en tout cas en ce qui concerne le contrôle du MPLA, une espèce d'archipel comme ça, de villes et de certains corridors, cette unification n'a absolument pas eu lieu, et on sent aussi, encore une fois, une énorme réticence de la part du gouvernement qui se traduit par le fait que bientôt une quinzaine d'années après la fin de la guerre, il n'y a toujours pas eu d'élections municipales ou d'élections régionales qui ont été organisées. Les seules élections qui existent sont des élections nationales. On parle de décentralisation et de déconcentration du pouvoir sous la mode du gradualisme en Angola. Donc, en gros, pour dire qu'on ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas le faire. Alors qu'il y a toutes sortes d'exemples, à commencer par le Mozambique, même si, probablement, ce qui se passe actuellement au Mozambique ne va pas accélérer la décentralisation en Angola. Mais l'Éthiopie aussi est un excellent exemple de décentralisation très remarquable, jusque dans le détail, mais qui a servi avant tout à la concentration du pouvoir au sein d'un seul parti. Donc d'où vient en quelque sorte cette ce que je, personnellement, j'aurais tendance à décrire comme une crainte ou une peur ou une méfiance de la part du MPLA. Et tu as dit toi-même aussi que ce livre, finalement, tu as fait un certain nombre de choix. Et c'est vrai que c'est une excellente analyse de politique économique du régime angolais et du succès du régime angolais depuis la fin de la guerre, en quelque sorte. Et du coup, je me suis dit, quelles sont les questions qu'on poserait si on faisait ce même genre d'analyse, mais à partir des marges. Tu le fais à partir du centre. Et je le fais aussi en référence, pour faire un petit peu de pub, au dossier de politique africaine qui va sortir là maintenant, celle d'ici de mars, mais qui va sortir maintenant, sur l'Algérie, l'État, comment c'est déjà, Algérie... L'État par les marges, voilà. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'analyse comparative entre l'Angola et l'Algérie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez semblables. Et justement, dans ce dossier-là, Tariq Daou propose notamment une analyse qui veut critiquer le paradigme rentier, où il essaie de comprendre, en fait, l'exceptionnalisme algérien au regard de ce qui s'est passé durant les printemps arabes, à la lumière d'une analyse des marges de l'État rentier plutôt que du cœur de l'État rentier. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de le faire, surtout après avoir dit que je serais bref et que c'est mal parti. Il y a toutes sortes de marges qu'on pourrait analyser, des marges sociales, par exemple les jeunes révolutionnaires dont tu parles, les marges politiques qui ont été, des marges politiques au sens de partis politiques, qui ont été complètement délégitimées, notamment l'UNITA, par la fin de la guerre et la victoire du MPLA, mais je ne veux pas du tout entrer là-dedans. Il y a juste une marge qui est peut-être, enfin une marge au sens, c'est peut-être un petit peu exagéré de l'appeler marge. Une marge, je me demande s'il n'existe pas aussi des marges à l'intérieur du système, à l'intérieur de ce cœur comme ça, de ce système néopatrimonial ou rentier, sur laquelle il vaudrait peut-être la peine de s'arrêter un peu plus longtemps. Et je le fais non pas suite à mes propres analyses, mais un petit peu en rebondissant sur un article d'Olivier Vallée, qu'on avait aussi publié dans Politique africaine, désolé d'être totalement en 2008, un excellent article d'Olivier Vallée, à mon avis, qui posait que tu cites tout à fait, mais qui posait une question assez provocante, à savoir... est-ce que finalement l'émergence comme ça, ou la logique de capitalisme internationalisé dans laquelle s'est lancé le MPLA à partir de 2002 et qui permet aussi, enfin, qui permet cette projection du capitalisme angolais au niveau global, est-ce qu'à terme ça ne va pas semer les graines d'un certain affaiblissement du régime lui-même par l'émergence d'une classe comme ça de bourgeoisie capitaliste internationalisée qui sera plus intéressé en fait à jouer le jeu d'un régime, de la reproduction comme ça, du régime angolais et du contrôle hégémonique finalement d'une poignée de gens, mais qui en fait aurait peut-être des stratégies à terme qui iraient tout à fait à l'encontre ou en parallèle même de ce projet hégémonique angolais pour la simple raison en fait par simple logique finalement de captation comme ça de bénéfices sur les marchés internationaux. Je trouve que c'est une hypothèse intéressante que posait Olivier Vallée qui n'a pas été vraiment reprise. Tu la mentionnes, mais je trouve que je me demandais si tu pourrais aussi poursuivre un petit peu la réflexion sur ce plan-là. Deux ou trois choses encore très rapides. Il y a une grande absente, finalement, dont en tout cas, forcément, tu fais des choix, donc il y a forcément des absentes, mais il y a une grande absente qui est l'armée, quand même. Tu parles, enfin, il y a l'armée et les services de sécurité. Alors, bien sûr, c'est pas ton objet. Et je pense aussi que ça ne m'étonne pas. Je ne vais pas avoir l'air d'être trop critique en disant ça, mais c'est vrai que finalement, l'armée, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur l'armée en Angola. Ça reste une espèce de grande, enfin, évidemment, grande muette, c'est un peu stupide de le dire, mais enfin, ça reste une grande énigme. On sait très bien qu'une des clés de la force du régime, c'est le contrôle très, très, très serré qu'il existe entre les courroies très direct qui existe entre la présidence et pas l'armée en sens général, mais ce qui compte au sein des forces de sécurité. Mais j'étais presque surpris de ne pas y voir un tout petit peu, pas avoir plus de place pour l'armée, alors qu'elle a en fait eu un rôle fondamental, notamment en 2002, en assaillant en fait le succès de tout ce que tu décris dans la décennie suivante par la victoire sur l'UNITA. Un autre petit point, mais qui est important, tu parles à plusieurs endroits, dans plusieurs chapitres, de la question de l'État parallèle. Notamment quand tu parles de la montée de Sonangol, qui est la compagnie pétrolière angolaise officiellement non privatisée. Et aussi les services de renseignement et beaucoup de choses qui n'ont pas de nom, comme, en fait. Voilà, qui sont... Ma remarque est très simple, c'était je me demande si c'est vraiment d'état parallèle qu'il faut parler, pour deux raisons, parce que enfin comme Christine Messian l'a très bien montré, mais comme tu le montres par ailleurs, finalement cette existence comme ça d'entités qui sont plus ou moins étatiques mais ne sont pas, sont para-étatiques et en fait font la politique de l'État finalement et du régime, sont totalement consubstantielles en fait du développement historique de l'État angolais. Donc il y a pas un État officiel, un état parallèle, à part sur effectivement pour par l'anglais vert, comme ça, pour montrer vers l'extérieur. Mais dans, la réalité, c'est vraiment une seule et même chose. Et d'autre part aussi, dans une vision plus historique, si on parle d'État parallèle, ça voudrait dire qu'on aurait un État central et puis d'autres entités qui font le boulot de l'État à sa place. Finalement, c'est aussi comme ça que s'est construit l'État colonial angolais, à l'époque portugaise, comme beaucoup d'États coloniaux, où on a toujours eu des centres plutôt faibles qui ont en fait délégué une bonne partie de leur pouvoir à des acteurs privés, semi-étatiques ou autres, comme des tas d'historiens l'ont très bien montré. Et je crois que je vais m'arrêter là, par respect pour le temps que j'ai déjà dépassé. Notre pendule ici avance un petit peu. Ça, on est quand même à 6h40. 7h48. Si on essaie, comme convenu, de terminer vers 6h30, parce que Gilles voilà, a une obligation, voilà, on essaie de garder un quart d'heure, Julien, un maximum, peut-être, hein, et puis peut-être qu'il finira avec les remarques qui nous participent. Un comparatif. Bonsoir, merci Richard de m'avoir invité pour discuter cet ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller lire, des lectures assez faciles et agréables, donc même pour les noms, pour ceux dont la première langue n'est pas l'anglais, donc je trouvais assez accessible et comme ça a déjà été dit, une des meilleures accounts de l'Angola post-guerre des premières années de la première décennie des paix, donc qui systématise assez bien notamment l'économie politique d'OMPLA, et j'étais assez intéressée et ça m'a beaucoup plu de voir les niveaux des informations auxquelles on a tellement de difficultés à avoir accès, et donc c'est très bien de voir que il y en a qui ont accès à ces informations, que c'est possible et que ça nous permet aussi d'avancer dans nos propres recherches autant que nous n'avons pas nous-mêmes la possibilité d'avoir parfois cette richesse d'informations et de pénétrer dans des cercles de pouvoir, et c'est certainement un fruit de l'investissement des longs termes que vous avez fait en recherche en Angola, et ça fait plaisir, donc ça m'a fait très plaisir de lire ces livres. Je voulais surtout, pour ne pas répéter un peu ce qui a été dit, centrer sur peut-être deux ou trois points qui n'ont pas été évoqués. D'abord, la question qui je trouve très intéressante et qui m'est très chère, c'est la question de l'hypothèse des continuités entre guerre et paix, surtout au niveau de la façon de faire la guerre, c'est aussi la façon, l'MPLA, la façon qu'il a conduit la guerre, c'est aussi la façon dont il a conduit la paix, donc il conduit les politiques de paix, et ce qui m'amènera plutôt à un deuxième point qui c'est celui de illiberal peace building, que tu évoques très bien dans cet ouvrage, que je trouve aussi intéressant dans un point de vue comparatiste, surtout par l'insertion, par cette idée intéressante en soi du liberal peace building, et comment ça peut aussi nous donner des informations très précises sur la forme du gouvernement, et même ça nous permet aussi d'interroger la question de l'histoire et de la mémoire et de l'identité, que j'aimerais bien, c'est un point que j'aimerais bien vous entendre parler un petit peu plus par rapport à cette construction de l'identité nationale au miroir de l'identité et de l'histoire d'OMPLA lui-même que tu évoques donc dans les livres. Donc ces premiers points sur l'hypothèse des continuités, je trouve que l'Angola, et vous le montrez très bien, c'est un pays, un cas paradigmatique qui nous permet aussi de comprendre les rapports entre guerre et paix, et surtout cette idée parfois mainstreaming, surtout dans la littérature anglophone, de la guerre comme une période de crise, une anormalité, une parenthèse, et la paix comme un retour à la normalité. Et donc, ça nous permet aussi d'envisager une hypothèse que ces retours à la normalité pourraient, parce qu'il permet l'entrée de nouveaux acteurs dans les contextes, dans la scène politique, pourrait aussi amener à une certaine déstabilisation des relations qui étaient routinisées dans la guerre, qu'elles soient des relations au niveau de l'armée, au niveau de l'économie politique, au niveau des relations qui structuraient la société dès l'administration, de la forme de l'administration publique aux relations quotidiennes au jour le jour, qui pourraient, dans l'abstract, conduire à une crise ou, soi-disant, à une nouvelle crise, dans la mesure où il y aurait l'entrée de nouveaux acteurs dans les systèmes politiques, dans ces contextes de paix, et que cela expliquerait en partie, on pourrait dire dans l'abstrait, un certain nombre de situations qualifiées, soi-disant, comme des paix fragiles. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'analyser l'Angola, donc, de ces points de vue, comme un cas paradigmatique, parce qu'il y a certainement une continuité des logiques des guerres et de la paix. Donc, comme j'ai dit, la façon de gérer la guerre, c'est aussi la façon de gérer la paix à plusieurs niveaux. Et ça permet, Envisager cette hypothèse permet de dresser des parallèles intéressants, par exemple, sur l'exclusion politique dans la guerre, comment elle s'exprimait à travers un certain nombre de postures et de mesures de MPLA vis-à-vis de l'UNITA et comment elle s'exprime aussi dans l'exclusion sociale actuelle dans l'après-guerre, aussi des relations et des rapports avec les puissances étrangères, comme vous l'avez dit très bien, donc qui dans la guerre ont aussi été assez ambiguës qu'ils le sont dans la paix, et qui ont aussi dans la guerre permis effectivement la concrétisation de ces projets de victoire militaire de MPLA, autant qu'ils permettent aussi dans la post-guerre la concrétisation de ces projets de reconstruction au gré de volonté très spécifique de MPLA, malgré la présence internationale qui aurait pu conduire à une situation différente s'il y avait une pression internationale, par exemple, autant dans la période de paix que dans la période vers la fin de la guerre, surtout. Et qui vous l'expliquait très bien, cette continuité, surtout en termes de forme d'exercice du pouvoir, et une énorme capacité, donc, d'où MPLA et notamment de José Eduardo Santos à produire des adaptations dans cette économie politique, ce que vous montrez très bien dans votre livre. Donc, des adaptations n'échangent pas forcément tout, donc qui permettent de rester dans cette ligne de continuité et d'intégrer ces nouveaux actes. Ces nouveaux acteurs qui émergent dans cette nouvelle scène, la scène de ces théâtres, ce nouveau théâtre qui est l'Angola dans la paix, notamment si on imagine que dès l'indépendance, c'était un contexte des guerres jusqu'en 2002, malgré quelques situations de ni guerre ni paix. Donc ça permet aussi d'envisager... dans cette continuité, justement cette continuité comme ce qui a permis donc la stabilité du régime politique du MPLA, à la fois la continuité d'un certain nombre de pratiques, d'un certain nombre de relations à la fois internes et vis-à-vis de l'international, des rapports internationaux, une certaine continuité qui a permis donc cette instabilité du régime et effectivement assurer ces projets de Illiberal Peace Building, d'où cette capacité du régime de s'adapter aux nouvelles règles du jeu, ou d'adapter les règles du jeu plutôt à cette nouvelle situation. Les mêmes règles, mais dans une nouvelle situation, et il n'y a pas forcément de changement des règles du jeu, mais il y a une adaptation de ces règles à une nouvelle situation. Je pense que ça m'amène donc à réfléchir à la question justement du Illiberal Peace Building qui est juste un petit parenthèse parce qu'on a évoqué, donc pour faire les liens un peu avec ce qu'avait dit Didier, la question de la jeunesse et des manifestations. On voit aussi que elles s'inscrivent aussi dans un certain mimétisme. Il y a une sorte de continuité rhétorique parce que cette jeunesse, elle évoque, elle mobilise les mots même ou les termes même qui mobilisent l'MPLA. On parle des révolutions, on parle de on évoque surtout la révolution, mais il y a d'autres exemples qui m'échappent maintenant, mais aussi c'est l'incorporation dans les discours de cette jeunesse de cette rhétorique des démocraties libérales d'où MPLA, qui est très intéressant, comment il y a cette incorporation d'un discours très propre au MPLA et qui est à la fois maîtrisé, pas forcément maîtrisé par cette jeunesse, mais utilisé par cette jeunesse pour contester justement les MPLA dans une forme, une sorte de mimétisme, si on pourrait dire, rhétorique, pour aller contre, effectivement, tout ce que... pour montrer, justement, pour aller contre cet décalage entre, justement, la rhétorique qu'ils mobilisent eux-mêmes, qui est la rhétorique de MPLA, et, effectivement, ce qu'on voit dans la réalité, vous montrez très bien. Et puis, sur la question de l'Illiberal Peace Building, j'aimerais bien revenir un petit peu et vous entendre parler sur ça, parce que je pense qu'on réfléchit assez peu sur l'importance des modalités de sortie de conflit et l'influence que les modalités de sortie de conflit qu'ils peuvent avoir dans les politiques justement post-conflit. Donc, et je voulais insister sur la question ici de la justice des transitions. Vous mentionnez dans l'ouvrage que effectivement il n'a jamais été question d'envisager des poursuites pénales, etc. Ça n'a jamais été un des plans de MPLA, et comme c'est un processus de paix qui est donc géré par les MPLA lui-même, ça n'a pas été à l'ordre du jour. Mais je voulais, dans une vision un peu différente, moins top-down et plus par les bas, renforcer cette idée d'impossibilité aussi de mise en place des mécanismes de justice des transitions, parce que effectivement il y a du côté aussi du peuple, disons de ordinaire, pas forcément une envie de recherche des vérités, ou une envie de vengeance ou de persécution criminelle en 2002. Et je pense que ça nous permet d'évoquer donc comment la fatigue qui vous évoquez dans l'ouvrage, compte tenu de la durée de la guerre, de l'extension de la guerre au niveau géographique, graphiques et spatiaux, soi-disant, mais aussi en termes de durée, ça permet d'évoquer donc comment cette politique du MPLA, dans les premières années de paix, a été aussi confortée par une très grande acceptation de la population de cette politique-là. Justement, il a jamais eu de contestation. Elles vont les aspirations de la population vont dans les mêmes sens des aspirations du MPLA, ou du moins, il n'y a pas de contestation des aspirations du MPLA à ce moment-là. Ce qui m'amène à un autre point que je trouve intéressant, qui est encore dans une vision un peu... par les bas, d'envisager, et c'est qui les font très peu en effet, d'envisager comment c'est important de regarder comment c'est important que ces aspirations de paix soient mises en parallèle avec justement les politiques de sortie de conflit, et que cette mise en parallèle nous permettrait peut-être de comprendre mieux l'évolution dans les cas de l'Angola, par exemple, de la contestation donc après 2012. Donc effectivement, comment on voit une évolution des aspirations de paix, et comment ces manifestations ou ces contestations qui émergent à partir de 2011 contre les régimes sont effectivement une contestation des politiques de paix, et ils reflètent une tension ou des tensions assez importantes qui existent à différents niveaux dans la société angolaise, notamment en termes d'exclusion, mais aussi en termes des races, des classes, et qui sont des tensions assez anciennes et qui reflètent aussi cette question de l'histoire, de l'absence d'histoire et de l'absence de discussion autour du passé. Et comment à ces moments-là, ça commence effectivement à émerger, autant que ça n'était pas le cas en 2002. Les gens n'avaient pas envie de parler. De plus en plus, on entend les gens qui ont envie de savoir ce qui s'est passé, notamment à l'égard des 77. Mais comment on pourrait donc envisager la question de la construction de l'histoire angolaise? Et on dit souvent « WMPLA est au pauvre, ou pauvre est WMPLA ». Et comment cette phrase « l'MPLA est les peuples est l'MPLA », comment cette phrase aussi, elle exprime cette idée des projets de nation dont vous avez évoqué dans l'ouvrage, mais vous avez peut-être pas trop insisté dans la présentation orale. Donc, j'aimerais bien vous entendre parler un petit peu sur ces projets et comment ces projets de nation est construit un miroir au projet de l'histoire de MPLA lui-même. Merci beaucoup. Bon, j'ai essayé de tenir... Les 10 minutes. Également autour du livre. Si tu n'es pas encore, Ricardo, peut-être avant de répondre à nos angolanistes, on va donner la parole à Gilles Favarel, hein, pour un regard comparatiste, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, comme ça, après, tu auras le loisir aussi de choisir peut-être aussi parmi les nombreuses questions qui te sont adressées. Merci beaucoup pour la présentation. Donc moi j'ai beaucoup apprécié de vous écouter, de lire votre livre. Alors je peux confirmer que pour quelqu'un comme moi qui ne connaît absolument rien à l'Angola, c'est un livre très clair, c'est-à-dire que pour moi qui était facile à suivre et dans lequel je me repérais facilement, donc je peux faire valeur de test, comme ça en tout cas de non concerné par le pays. Alors c'est vrai que un Russe aurait du mal à l'entendre, mais il y a beaucoup de points communs entre ce que vous présentez sur l'Angola et ce que vous présentez ce que je connais de la Russie, hein, et j'ai été surpris par cela, c'est-à-dire à quel point finalement il y avait des problématiques qui étaient communes, c'est-à-dire avec ses ressources naturelles, extraversion, contexte de croissance économique extrêmement fort, la structuration de la formation d'un capitalisme dans lequel l'État joue un rôle extrêmement important, et aussi sur le parti État, en un sens, hein, puisque depuis le début des années 2000, c'est bien ce à quoi on assiste aussi, dans un sens, en Russie. Alors ça va même jusqu'aux séries télé brésiliennes, hein, puisque les premières séries télé qui étaient à la fin des années 80 en Russie, c'était les séries télé brésiliennes, et la plus connue d'entre eux, c'était « Les riches pleurent aussi ». Bagati et Oje Platchute. Donc ça, c'était une série qui a bercé justement bien les premiers pas du capitalisme russe, et elle était brésilienne comme chez vous. Alors par ailleurs, vous faites des citations de Chubais, vous parlez des années 90, donc en effet il y a des choses à dire. Disons, c'est le sujet sur lequel vous écrivez est familier pour moi. Alors sur la notion d'oligarque, ma première réflexion, puisque vous faites la comparaison avec les oligarques russes, je voudrais rappeler deux ou trois choses sur ce point-là. C'est-à-dire que ce terme d'oligarchie est arrivé en Russie au milieu des années 90, et on peut dire qu'il avait un double sens. Le premier sens, c'était de dire que finalement la démocratie promise par Boris Eltsine n'était pas mise en œuvre. Et donc il y avait l'expression, la dénonciation d'un mensonge qui était celui de la démocratisation, pour dire qu'on a formé en Russie un nouvel ordre politique, mais que cet ordre politique n'est pas démocratique. C'est un ordre politique qui était oligarchique, avec l'idée que le pouvoir était confisqué par une poignée de gens. Mais il y avait un deuxième sens pour l'oligarchie, c'était l'idée que les acteurs économiques, et notamment les manias des milieux d'affaires russes, souhaitaient viser à prendre le pouvoir politique dans ce pays. C'est-à-dire que le deuxième sens de l'oligarchie, c'était l'idée d'une menace selon laquelle des acteurs économiques allaient supplanter les acteurs politiques traditionnels pour gérer le pays avec leurs amis occidentaux, etc., etc. Je vous passe les détails de ce discours. Or, ce qui est tout à fait intéressant dans ce que vous dites des oligarques angolais, c'est qu'on y voit des éléments, si vous voulez, justement, qui pourraient caractériser l'oligarchie russe des années 90, mais aussi l'oligarchie russe des années 2000. C'est-à-dire que dans les années 90, on retrouve très bien ce que vous dites sur la formation du capitalisme, l'appropriation du capital par des ressources administratives, j'y reviendrai, etc. Le style de vie, toute la dénonciation des nouveaux riches russes dans les années 90, etc. Très bien. Sauf que dans les années 90, les oligarques sont réputés menaçants parce que susceptibles de prendre le pouvoir. Or, vous, les oligarques que vous décrivez, sont des oligarques plutôt années 2000 poutiniens, au sens, enfin ils ont aussi une caractéristique comme celle-là, puisqu'ils sont extrêmement loyaux au pouvoir en place, au parti hégémonique et à l'État, enfin c'est-à-dire au parti État, comme vous dites, à ce niveau-là. Et donc là, je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est-à-dire que vos oligarques sont un peu hybrides par rapport aux oligarques russes, parce qu'on y voit des éléments des oligarques années 90 et des éléments oligarque années 2000, lorsque le pouvoir politique est monopolisé, hein, par un parti, par une équipe au pouvoir, etc. Donc ça, c'était une remarque, disons, peut-être pour préciser, hein, la comparaison avec les oligarques russes. Ce ne sont pas vraiment les oligarques russes des années 90, ce dont vous parlez. Parce que réellement, on n'a pas l'idée qu'en étant les conseillers occultes de Boris Eltsine, ils pourraient avoir l'envie de supplanter Boris Eltsine et de prendre sa place, quoi. Bon. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses similaires sur l'accumulation du capital, c'est-à-dire qu'en Russie, il y avait trois compétences pour acquérir du capital dans les années 90 et 2000. C'est d'une part des compétences gestionnaires minimales, d'autre part ce que les Russes appellent avec cette jolie expression de ressources administratives, c'est-à-dire la capacité à avoir accès à des décideurs, des gens dans l'administration, etc. Et la troisième chose, tout aussi importante, c'est la capacité à protéger les droits de propriété. Or, vous, c'est quelque chose dont vous parlez assez peu. C'est-à-dire que ces gens acquièrent des droits de propriété, mais qu'est-ce qui les rend sûrs qu'ils se seront toujours ces droits de propriété demain ? C'est très important, ça. Hein. C'est-à-dire que quels sont les éléments qui peuvent assurer, par exemple, à un oligarque que demain, il restera propriétaire, détenteur de ses droits de propriété ? Et c'est un petit peu sur cette... J'ai trouvé que c'était cette dimension-là, moi, par rapport au contexte russe, qui était la plus absente. C'est-à-dire, on voit bien les gestionnaires, on voit bien les ressources administratives, l'intrication entre acteurs administratifs et acteurs économiques. Mais on voit moins, enfin, en tout cas, j'avais l'impression, cet aspect-là. Et donc ça, ça pose plusieurs questions. La première, c'est celle du rapport au droit. Parce que vous avez des passages là-dessus, dans les pages 140, 142, etc. Ce qui est tout à fait frappant en Russie, c'est que dès que les premières réformes économiques sont adoptées à la fin des années 80, tout de suite, il y a une spécialisation juridique extrêmement forte qui émerge. Le capitalisme russe n'a jamais été en dehors de la loi stricto sensu. Il a toujours été dans un respect scrupuleux de la loi, étant entendu que ce respect scrupuleux de la loi est nécessairement combiné avec la capacité à le contourner. Donc c'est vraiment la base du pouvoir, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'articulation des deux. Et du coup, ça donne un rôle très important aux acteurs répressifs. Et ça, ça rejoint une question qui vous a été posée, que moi je me posais aussi, c'est que finalement, dans les élites que vous décrivez, on voit peu d'acteurs, moi ce que j'appelle répressifs, mais enfin disons des militaires, des policiers, des corps en armes, etc. Alors que typiquement dans une économie comme l'économie, le capitalisme russe, il joue un rôle fondamental qui est celui justement de permettre de jouer avec le droit et d'autre part d'accéder à des renseignements. Des renseignements sur les concurrents, des renseignements sur ceux qui veulent vous faire tomber, etc. Et je me demandais si dans la formation du capitalisme que vous étudiez, il y a un tel rôle pour les acteurs policiers, militaires, etc., chargés de sécuriser les droits de propriété des oligarques au pouvoir, ou si ce n'est pas la peine, tellement le système est consolidé. Un autre commentaire que j'avais à faire, c'était que, évidemment, alors dans des systèmes clientélistes avec formation du capitalisme comme le système russe ou ce que vous décrivez du système angolais, j'ai toujours tendance à penser, alors évidemment, on dénonce la corruption. La corruption, elle est évidemment inhérente à tout cela, puisque les ressources administratives, l'expression en soi, elle est éloquente là-dessus, elle est évidente. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, c'est à quel point la lutte anticorruption joue un rôle important dans ce type de système-là. C'est-à-dire que précisément, si on a une cooptation sur un mode clientéliste pour accéder aux ressources, on aura toujours un problème pour renouveler les élites dirigeantes. Et c'est ici que la lutte anticorruption... La lutte anti-blanchiment joue un rôle crucial. Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, c'est le moment où il y a une obsession au niveau international sur ces enjeux-là, précisément qui sont mis en œuvre avec un grand zèle en Russie. Pour une fois, ce n'est pas la Russie contre la communauté internationale, mais c'est la Russie extrêmement zélée dans l'application de toutes les normes internationales dans ces domaines-là, parce que la lutte anticorruption et la lutte anti-blanchiment apportent au pouvoir russe la capacité à centraliser les renseignements sur l'ensemble des élites. Okay. Donc je me demandais à quel point, parce qu'à un moment vous parlez plus de corruption que de lutte anticorruption, et je me demandais si finalement le système que vous décrivez est régulièrement, disons, caractérisé par des campagnes anticorruption, par le fait qu'il y ait des personnes accusées publiquement de corruption, etc. C'est-à-dire que la lutte anticorruption soit une sorte de garde-fou de ce système clientéliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et du coup, ça me conduit à une autre question, qui est que j'avais l'impression, en vous lisant, qu'il y a une homogénéité des élites économiques. On a l'impression qu'elles ont un esprit de corps, comme vous dites, une solidarité entre elles. Vous dites à un moment « a system of general compromising ». C'est une expression de Christine Massier, en fait. Ah, oui, alors oui. OK, autant pour moi. Et alors que c'est vrai que du coup, y a une certaine solidarité entre eux, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de la compétition aussi. On pourrait s'entendre qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait la volonté, justement, de s'approprier les droits de propriété des autres, etc. Et par conséquent, je m'interrogeais là-dessus, c'est-à-dire à quel point ces élites sont homogènes et surtout à quel point elles sont mues par des mécanismes de solidarité. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas certains, dans ces élites, des groupes qui essaient de faire tomber les autres, des groupes qui essaient d'acquérir de la richesse par rapport aux autres, des affrontements au sein des élites, justement, pour l'appropriation de ces droits de propriété, parce qu'en Russie, ça a été le cas pendant très longtemps. La dernière question pour terminer, c'est que comme en Russie, comme en Russie, il y avait une forte défiance de la population vis-à-vis de ces modes d'enrichissement. Il y a une dénonciation visiblement de la corruption qui est importante. Vous citez Rafael Marquez. Alors moi, je ne connais pas, mais visiblement, il y a des figures importantes de dénonciation de la corruption, etc. Eh bien, justement, à quel point ça pourrait soutenir, on vous demandait tout à l'heure, c'est vrai que quand on sait qu'il y a des élites militaires, par exemple, j'ai l'impression que c'était le sens d'une question, de dire qu'il y a des élites militaires qui, visiblement, n'étaient pas au cœur de ces processus d'enrichissement, ben là, on pourrait penser à l'enchaînement Eltsine-Poutine, où le règne Poutine a été vu comme une revanche d'élites militarisées contre la première génération de capitalistes, en surfant sur la frustration dans la population vis-à-vis de cet enrichissement et sur la volonté de lutter contre la corruption. Donc est-ce qu'on aurait là un scénario possible, précisément, d'une élite frustrée qui prendrait une éventuelle revanche sur celle-là ? Voilà quelques points de discussion. Merci beaucoup, Gilles. Tes remarques confirment, je crois, l'intuition que nous avions, que la comparaison entre les deux pays était tout à fait intéressante. En tout cas, ça me paraît heuristique, effectivement, de les poser. Donc, Ricardo, on te redonne la parole, si tu veux, pour 3 minutes. Sélectionner parmi ces questions les points qui te paraissent importants, en tout cas tout de suite, hein, parce que je pense qu'il y aura une suite à ce débat, y compris par écrit. Et puis on verra si effectivement il reste du temps pour pouvoir ouvrir à la salle. Il y a aussi des questions ou des remarques. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on prend aussi des questions de l'audience pour que je puisse. Ouais, on peut peut-être le faire maintenant, comme ça tu vois. Hein, j'ai peur que si je prends 3 minutes. On n'en aura plus. Alors, on a un micro pour cela. Peut-être. Parce qu'en fait, comme le débat est enregistré, donc merci ceux qui veulent faire des remarques ou poser des questions. C'est très riche et je suis très présenté également quand c'est tellement ce sujet, mais. Oui, ça marche. C'est le même distance si vous pourrez développer sur les parties. Le parti. Vous présenter sur quoi ? Je m'appelle Rafi Jabari, je suis doctorant ici à Sciences Po. Et ma question, c'est si vous pourriez élaborer sur la contrôle de l'État et le rôle de parti, c'est-à-dire les représentants de parti, quel est le rôle de parti en fait ? Et est-ce qu'il y a des élections ? Et pourquoi il n'y a pas des élections, à votre avis ? S'ils ne font pas des élections régionales, municipales, pourquoi ? Voilà, merci. Moi, ce qui me frappe un peu, mais c'est peut-être le problème de l'exposé, c'est malgré tout. D'abord, un peu ce que disait Juliana, c'est-à-dire le fait qu'il y a des continuités très fortes, 77, qui continuerait presque 40 ans après à tuer tout mouvement social. Bon, on est à la fois, c'est à la fois très convaincant et ça ne l'est pas du tout. Donc, ça mériterait quand même de réfléchir là-dessus. Ensuite, la brutalité de la répression à ce moment-là, qui dans les années 80 ou 90. Bon, ça a été un des aspects quand même de l'impossibilité d'ouverture du champ politique au-delà du MPLA. Hein, donc il y a cette dimension-là. Il y a autre chose que Gilles a bien souligné, c'est quand même un système dont on a quand même l'impression qu'il est très smooth. Alors que quand on regarde ailleurs, bon, l'Algérie par exemple, hein, puisque c'est doit être un numéro de politique africaine, bon, c'est pas du tout smooth. C'est au contraire, il y a des rivalités très fortes, il y a des assassinats politiques en interne. Et donc là, ça, je trouve, ça pose quand même des questions sur est-ce que c'est parce que c'est une vue très au centre ou est très dans la partie dans le haut du haut, ou est-ce que bon, il faut peut-être ça mérite quand même une explication. Et puis le cas de l'Algérie est un modèle aussi intéressant parce qu'on voit aussi comment, d'une certaine façon, le pouvoir algérien a essayé de tuer le mouvement social, enfin de l'empêcher d'émerger. Comme en Arabie Saoudite, dès qu'il y a une manifestation, on dépense quelques centaines de millions pour calmer les gens. Bon, c'est ce qui s'est passé au moment du printemps arabe en Algérie, hein, où la jeunesse a eu... on a fait des tas de choses vis-à-vis des jeunes. On a dépensé une fortune pour calmer toute velléité de manifestation. Donc, ça serait intéressant peut-être de relier davantage cette contradiction, enfin, ou cette tension qu'il y a entre des élites qui ont quand même des enfants et qui veulent manifester, qui chantent du hip-hop et tout ça. Et puis une population qui sent bien à partir d'un certain moment, parce qu'elle a la télévision, parce qu'elle regarde les séries étrangères, qu'il y a aussi un espace politique ou un espace d'expression qu'elle n'a pas. Hein, et ça, je trouve, ta description du système, elle est un peu trop... Encore une fois, tu as parlé 35 minutes sur un livre de 200 pages, mais ça donne l'impression d'un système qui peut se reproduire finalement assez bien. Et parce que le Deus ex machina, c'est Dos Santos, qui est le leader incontesté, et donc qui finalement serait la fin. Mais là, il y aurait beaucoup de comparaisons à faire avec l'Éthiopie, avec le Soudan, beaucoup de choses, et aussi avec le Tchad. Oui. Mais bon, ça sera pour... L'Éthiopie et le Soudan sont, je ne veux pas pousser la comparaison trop, parce que ce sont des cas très différents, mais c'est aussi, ce sont des pays avec des dimensions de relations entre le centre et la périphérie, très historiquement ancrées. La comparaison avec l'Angola est très intéressante. Ouais, c'est aussi la question de Juliana sur le discours de la nation. Alors, là-dessus, pour terminer, moi j'avais une question, c'était, parce que comme c'est un système qui semble très totalisant, et comme on a beaucoup de marxistes à la table, c'était la libération par l'imaginaire. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire angolaise, c'est finalement le rôle du religieux. Et la façon dont la dissidence peut être organisée, soit simplement comme système d'organisation, mais aussi quelquefois comme système idéologique, par le religieux, et ça serait bien d'y revenir, à la fois par l'événement tragique là, de cette secte réprimée, aussi par l'expulsion des musulmans. Enfin, il y a eu tout un débat sur l'islam totalement... très français, je dirais, tellement il était allumé, hystérique. C'est très laïque, l'Angola. Ouais, vraiment n'importe quoi, enfin, comme on a l'habitude en France. Et ça serait peut-être intéressant aussi de regarder ça, c'est-à-dire que la politique, on ne la prédétermine pas. Oui, très bien. Merci. Merci Roland. C'est excellent. D'autres questions, d'autres remarques ? Jean-Baptiste Pettini, étudiant à APSIA en International Security. Donc, j'ai juste une toute petite question très factuelle, tout simplement sur les réserves de pétrole en Angola et donc sur la pérennité économique du pays à long terme, voire à très long terme. Peut-être que je dois apprendre ces questions. Et après, je sais que Gilles veut partir. Je devrais peut-être commencer avec quelques-unes des questions qu'il a posées. D'abord, la question des droits... D'abord, je voudrais dire un point général au sujet de cet article affreux, mais en même temps très, très rigolo, le journal d'Angola a écrit au sujet qui est très populaire. Et ça a bien circulé dans Facebook et tout ça, parce que particulièrement à cause de ce passage que tu as choisi, en disant que le capitalisme angolais était forcé, les gens sont devenus milliardaires parce que l'impérialisme nord-américain a poussé dans cette direction. C'est intéressant. Il y a plein de blagues qui circulent au sujet de ça. Je voulais juste dire que j'ai eu de contact avec une chose importante du livre, c'est que ce n'est pas une vision des marges, de la société civile, de l'UNITA, des perdants. Bien sûr que j'ai essayé de parler avec tout le monde, mais beaucoup de voix qui sont à l'intérieur, qui sont dans le livre, ce sont des voix de l'élite aussi, qui est aussi... pluriel d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens, en particulier, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le président, qui l'a marginalisé pendant les années. Donc il y a beaucoup de voix qui... Il y a des voix qui sont des vrais gens du MPLA, mais qui sont plus... Ils prennent plus d'attention à les faiblesses du système que parfois les gens de l'opposition. Ils connaissent la réalité. Par exemple, la question... Le peur que des gens du MPLA au niveau très, très haut ont de la dynamique des bidonvilles, c'est une question qui le rapport, qui le lie avec 1977. Ce sont des questions et ce sont des frustrations et ce sont des défis pour le futur qui, d'une façon privée, les gens à l'intérieur du parti reconnaissent. Et c'est ça qu'il ne dort pas pendant la nuit à cause de certaines de ces questions. Donc je voulais juste dire qu'il y a aussi des gens qui m'ont envoyé, qui sont des gens de l'MPLA, ce ne sont pas des dissidents, ce ne sont pas des critical thinkers, ce sont des gens du régime qui m'ont envoyé des emails après en disant « mais c'est vraiment con ce genre d'article ». Donc ils comprennent que personne, peut-être, je ne veux pas être trop modeste, mais je ne pense pas que le livre va être un best-seller à l'aéroport. Mais ce genre de choses, c'est le genre de réaction qui fait que les gens veulent regarder le livre plus. Donc la mauvaise publicité, c'est en fait très bonne pour le livre. Mais ce n'est pas très intelligent pour les gens qui sont vraiment contre. Est-ce qu'il va être publié en portugais ? On espère, oui. Je suis en train de boucler ça, je te raconte après. Mais même en portugais, les gens en Portugal, il y a beaucoup de gens qui ont une relation très proche avec le régime. Donc c'est ironique. Il y a des façons d'être contre qui sont un petit peu plus sophistiquées, mais je m'arrête là. Mais juste pour répondre directement à deux, trois questions que Gilles a mentionnées. Les droits de propriété. C'est en fait, j'ai juste une passage brève dans page 140, 141, c'est vrai. Mais en fait, il y a une dimension très légale à cette capture de l'économie par l'aristocratie de l'MPLA. Il ne faut pas trop utiliser le langage de la corruption parce que ça donne l'idée que ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal. Peut-être dans les années 90, il y avait des valises d'argent qui étaient circulées, les comptes en Suisse, mais c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et maintenant, l'outil le plus approprié pour construire des grandes fortunes dans les élites angolaises, c'est tout à fait légal. Et on parle bien sûr des lois de local content, comme est-ce qu'on dit, les lois mandatoires qui forcent l'investissement étranger à entrer dans un partenariat avec des entrepreneurs angolais. La politique, c'est qui est défini comme entrepreneur en Angola. Et dans d'autres pays, cette construction d'une classe d'entrepreneurs nationaux, c'est tout à fait légitime, je dis. Mais dans le cas d'Angola, beaucoup de gens qui sont favorisés par ces lois, ce ne sont pas des vrais entrepreneurs, ce sont des rentiers de l'élite. Donc, mais c'est légal. Et quelqu'un comme, par exemple, Rafael Marques, il a écrit une thèse de master qui s'appelle la transparence de la prédation, the transparency of looting, et qu'il dit non, c'est pas la corruption du tout, c'est légal, c'est peut-être une question morale, mais c'est pas une question légale. Et c'est vrai que les élites angolaises, ils veulent légaliser, ils veulent agir dans l'état de droit. Donc en fait, beaucoup, même la question de la transparence est exagérée. Beaucoup, on lit la Gazette, c'est le journal La République qui est publié tous les jours avec les décisions du gouvernement angolais, et beaucoup de propriétés des oligarques sont montrées là, sans opacité, on dit ça en français, elles sont là. Donc la question est beaucoup plus ancrée dans l'État angolais que l'idée qu'on est juste en train de prendre la propriété, de s'en aller avec ça. Donc il y a, je pense qu'il y a des parallèles beaucoup encore plus profonds avec l'expérience russe, mais que j'aurais dû, comment est-ce qu'on dit, approfondir. L'autre question, le rapport au droit. Je pense que c'est implicite dans ce que j'ai dit. C'est une mentalité assez légale. Assez moderne et assez légal. Par exemple, d'après le plus grand agronome angolais, le professeur Fernando Pacheco, qui est en fait un membre du MPLA, il est un petit peu fâché, mais il est de ce milieu social, il dit que du 92 jusqu'à 2010, l'élite angolaise a approprié plus de terres que les colons portugais avaient en 1974, après 400 ans de colonialisme. Donc il veut avoir la propriété. Il ne veut pas la contrôler au niveau pratique. Peut-être ils ont le titre et ils ne sont pas présents dans le terrain. Mais il veut avoir la propriété pour eux. Donc cette dimension légale qui fait partie d'une stratégie qui utilise aussi des stratégies coercives ou illégales est très important. Donc je me revois beaucoup dans cette trajectoire russe que vous avez décrit. L'autre question, les acteurs répressifs. Il faut dire cette belle histoire de l'hégémonie et d'MPLA, c'est juste ça, c'est une belle histoire. Ce que j'essaie de décrire, c'est un moment assez exceptionnel qui a duré de 2002 jusqu'à 2002. Ce n'est pas l'histoire de l'MPLA. En fait, Roland, tu connais bien le travail de Christine. Ce qui caractérise les MPLA jusqu'à la fin de la guerre, même en comparaison avec d'autres mouvements de libération contestés, c'est leur manque de d'hégémonie. C'est le fait qu'ils étaient vraiment jusqu'à la fin de la guerre, juste présents dans le milieu urbain, et qu'ils n'étaient pas adorés par beaucoup de gens dans le pays, même des gens qui n'étaient pas UNITA. Donc cette hégémonie, c'est ce moment extraordinaire, c'est vraiment le produit de la direction, du système de management unitaire très personnalisé du président, qui n'est pas réplicable, on dit ça, mm-hmm. mais aussi d'un moment historique unique qui est déjà disparu. Ça, c'est important. Et dans ce cas-là, c'est un choix que j'ai fait de parler de certains acteurs et pas d'autres, mais parmi eux, ces acteurs dont je ne parle pas beaucoup, l'armée, mais par exemple les églises, des mouvements sociaux qui sont là et que pourraient être le sujet de thèses très très intéressant. Mais c'est une chose que je veux défendre. Je ne parle pas beaucoup de ces, pour prendre les exemples spécifiques, des organisations répressives qui sont toujours là, spécialement plus important que l'armée et la police. La police est importante pour le riot control, pour contrôler les pauvres. Mm-hmm. Mais vraiment plus important, c'est le intelligence qui sont très sophistiqués, très compétents. Mm-hmm. Hein, créés dans les années 70 par la Stasi, mais après développés par les Israéliens et tout ça. Et très compétents et assez, la plupart du temps, assez professionnels dans le sens qu'ils ne poussent pas beaucoup. Ils sont là, ils écoutent, mais ils font pas... ils ne sont pas très coercifs. Et dans ce sens-là, ça est une preuve de l'hégémonie très temporaire qui est arrivée de 2002 à 2012. Les organisations répressives étaient là. En dernière analyse, elles sont toujours là pour faire la répression au sérieux, quand il faut. Par exemple, le cas de Cabinda est exemplaire. Mais la plupart du temps, et c'est ça qui est fascinant, dans l'expérience de cette décennie, c'était pas une histoire de répression, c'est une histoire beaucoup plus de cooptation. Mm-hmm. Ouais. La répression pendant 2002 à 2012 était vraiment l'outil de dernière, recours. Et il faut dans ce cas, dans ce contexte-là, sans jamais oublier que ces instruments répressifs étaient là, ils sont toujours là, ils peuvent être utilisés, ils le sont quand il faut. C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas une histoire morale entre les bons et les méchants. Beaucoup de gens, parmi eux des gens de UNITA, ils étaient contents que la guerre ait terminé. J'ai un chiffre que j'utilise de l'œuvre de Patrick Chabal et de Nun Vidal, mais j'ai écouté d'autres gens qui disent pareil. Juste en 2004, 12 000 membres de l'UNITA sont entrés dans le MPLA parce qu'ils voulaient faire partie de cette histoire de succès. Ils voulaient faire partir de cet ordre politique de l'après-guerre. Donc je pense que la MPLA a bénéficié pendant une décennie d'une certaine bonne volonté, on peut dire ça, d'une certaine bonne foi de la population, même si la population ne croyait pas qu'ils étaient vraiment en train d'être totalement enclos, que l'Angola allait devenir un pays scandinave au niveau de l'inclusion de la totalité de sa population. Ils ont pris au sérieux quelques promesses d'inclusion de la part du gouvernement. C'était un rêve de paix et de pétrole qui a séduit plus de gens qu'on ne pense. Le problème, c'était pas sérieux. Et ces changements, après 10 ans, la société angolaise se réveille. Elle comprend qu'il y a des bénéficiaires du décennie de reconstruction. Ce n'était pas seulement le groupe restreint qui peut-être bénéficiait de l'économie politique de la guerre pendant les années 90, mais la taille de cette sphère de bénéficiaires est très réduite. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Mais ça devient compliqué, vous avez lu le livre, vous le savez, ça devient compliqué quand on voit qui est coopté par le MPLA. Et ça, il faut comprendre d'une façon assez pragmatique et sans être trop jugemental, on dit ça. Trop de jugement de valeur, les stratégies politiques du président du Chantoche. Il n'est pas comme le président Neto. Le président Neto, elle a quand même permis une vraie tuerie en 77-78. On ne comprend vraiment bien la politique intérieure de l'MPLA en 77-78, mais la réalité, c'est que la répression du coup d'État raté de Nitoile, j'étais très sanglante. Depuis 1979, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Duchamp n'a jamais tué aucun membre important de l'MPLA. Il a conduit une guerre très répressive et très violente contre l'UNITA, mais la stratégie, c'est un petit peu comme en Union soviétique, l'élite russe a décidé de retirer l'assassinat après Staline. Ils ont décidé de résoudre leurs différences sans utiliser les tueries massives des années 30 et 40. C'est devenu beaucoup plus rare à partir de Khrushchev, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Quelque chose comme ça caractérise le management style du président Duchamp. Si il n'est pas content avec vous, vous devenez l'ambassadeur au Japon. S'il est vraiment pas content avec vous, vous devenez l'ambassadeur à Manila ou à je ne sais pas où, quelque chose de pas très agréable. En Ukraine. En Ukraine même. Hein. Kiev, c'est joli quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, et après, si on est respectueux et si on accepte qu'on est dans le désert pendant un petit moment, 2, 3, 4, 5, 7 ans, et il ne touche jamais votre argent. Donc, on est marginalisé politiquement, mais on est encore très, très riche. Et après, on peut revenir. Et tout le monde revient. En fait, la seule personne qui ne revient pas, c'est Marcolino Moco, qui était le premier ministre pendant les années 90. Il ne revient pas parce qu'il s'était pas... Comment est-ce qu'on dit ? Il parle trop. Il ne s'était pas. Il ne s'était pas. Parce que tous les autres, l'Opdoulachimène, tous les gens qui ont déplu le président, et le président les a jetés du bureau politique. Et après, ils reviennent tôt ou tard. C'est quand même très gentil. Et en comparaison avec le président Netto, c'est mieux. Par exemple, j'aime bien donner un exemple. Jean Savimbi, quand il a... C'est une histoire qui, je pense, est dans le livre. Quand il y avait quelqu'un qui était Tito Gigunchi, qui était le représentant de l'UNITA à Washington dans les années 80, très, très intelligent, vraiment un des architectes de la réputation de l'UNITA avec l'administration Reagan, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Quand il est revenu à la Jamba, à cette capitale... des rebelles, il était tué et 27 membres de sa famille étaient, on dit, brûlés dans un feu. Et ça inclut son grand-père Jonathan Gigunchi qui avait 87 ans. C'est comme ça que Savimbi se comportait avec ses rivaux. Je ne veux pas donner l'impression que l'UNITA c'est un mouvement totalement légitime dans le cadre de la politique angolaise, mais il faut dire qu'il était vraiment extrêmement violent. Je vous donne un équivalent récent du monde MPLA. João de Matos, c'était le général qui était le patron, le commandant en chef des forces. Commandant en chef, c'est le président, mais il était le général qui commande, chef d'état-major des forces armées. Et juste avant la fin de la guerre, quand Duchamp a compris que la guerre allait terminer et qu'ils allaient gagner, il a licencié, le général, l'architecte de la paix, l'héros de la paix. Vous savez ce qui est arrivé à João de Matos ? Il est très très riche, il est marié avec Miss Angola. Et il est un des piliers des compagnies privées de sécurité. Exactement. Donc il faut comprendre que Duchamp a un management très sophistiqué de cette élite, et cette élite est vraiment très, très réduite. Je pense, par contre, que cette paix entre l'élite est historiquement très rare. On sait qu'ils étaient en train de s'entretuer dans les années 70. Dans l'MPLA, ces familles s'entretuaient, parfois dans la même famille. Et on sait que cette paix achetée par l'argent et par la main très, très ferme du président n'est pas soutenable à long terme. Et plus important, tous ces conflits, ça inclut les conflits identitaires dont on peut parler, ils sont toujours vivants à l'intérieur, pas seulement entre l'opposition et l'MPLA, mais à l'intérieur de l'MPLA. Donc je pense que ce n'est pas une conclusion très, très sophistiquée de dire que ça va revenir. et que jusqu'à au moment, il fait attention qu'il n'y a jamais des vrais perdants dans cette économie politique d'élite. Tout le monde mange. Mais qui vient après de Chantoche, il va, c'est toujours en lui, c'est toujours en monsieur qui vient après, il va devoir, même si c'est son cousin, même si c'est quelqu'un de très très proche, cette personne doit faire de la violence métaphorique ou réelle contre les intérêts établis. Parce que juste pour consolider sa propre sphère de pouvoir personnel, cette personne, même si c'est un dauphin que Duchamp, je pense, est très, très, comment est-ce qu'on dit, safe, sûr, cette personne ne sera jamais sûre. Et ça va marcher très, très vite. Donc, je pense que tout ce manque, que, ces conflits d'élite, toutes ces tensions, tous ces groupes sociaux, l'armée, la police, les services secrets, où sont-ils dans toute cette histoire? Ils étaient, d'une façon assez paisible, cooptés. Mais ça ne va pas durer très, très longtemps. Je ne vais pas du futurisme et je pense... Pour revenir à une question qui était levée par, je pense, Didier, je pense que c'est, on dit en anglais, it's their race to lose. Autrement dit, cette élite a le contrôle de l'État, un discours sur la modernité, sur la nation, qui est plus puissant que d'autres discours qui sont disponibles dans la société angolaise. Donc, s'ils sont intelligents, s'ils commencent à étendre d'une façon clientéliste, pas égalitaire, dans le contexte d'un État fort et en dernière analyse hégémonique de l'MPLA, s'ils sont intelligents, ils pourraient rester là très, très, très longtemps. Mais je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'il faut faire pour réinventer leur domination chaque génération. En même temps, je ne veux pas sous-estimer cette clique de pouvoir parce qu'ils ont été, et je pense que d'une façon claire, le livre, d'un certain point de vue, c'est admirable, comme régime, comme au niveau de la mécanique, toute cette capacité d'improvisation et d'adaptation du communisme, du socialisme, à l'économie de marché, de la guerre froide, à la situation qui est venue après. Ce sont des métamorphoses que ce groupe a arrivé à maîtriser d'une façon parfois extrêmement capable. Mais je pense que le prochain défi, c'est vraiment le prochain défi de penser la nation d'une façon vraiment concrètement plus généreuse, et d'une façon qui est vue d'une façon moins, disons, impérialiste, moins étrangère du point de vue de la périphérie angolaise. Et je ne veux pas seulement parler de la périphérie spatiale, mais de la périphérie sociologique aussi. Mais je pense que c'est un régime qui a la capacité de se reproduire, bien sûr. Donc la note d'une certaine angoisse qu'il y a à la fin du livre, c'est pas l'idée que tout ça va changer du jour au lendemain, surtout qu'il y a un projet politique progressiste dans la société angolaise, alternative au gouvernement, qui est là juste qu'il attend pour remplacer la situation actuelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et une des questions qu'on doit se demander, c'est quels sont les projets, pas seulement dans cette périphérie sociale et spatiale angolaise, mais à l'intérieur du régime, quelles sont les visions d'une Angola différente qui sont en train de se définir? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce qu'on peut avoir une situation où la réalité actuelle est fragmentée sans qu'un projet alternatif ou innovateur prenne son place? Donc, je n'ai pas beaucoup de questions à ce sujet-là et je n'aime pas vraiment faire de futurologie. Mon objectif, c'était de dire que les circonstances uniques de cette décennie sont en train de changer et que la légitimité politique en Angola doit se réinventer très vite. Sinon, on aura vraiment dynamiques assez préoccupantes dans la société et dans la relation entre la société et l'État. Je pense que c'est mieux de faire une petite pause pour ceux qui veulent partir. Gilles. Mais je peux répondre à d'autres. J'ai 3 ou 4 d'autres questions, au moins entre nous. Tu peux poursuivre, Ricardo. Je peux. Et qui veut le livre, il est disponible ici pour 25 euros. Merci beaucoup, merci. Merci. Il y en a qui ont pas acheté le livre. Est-ce qu'il y a encore des questions acceptables? En fait, peut-être, laissez-moi juste répondre ici. On fait un tour de questions? Oh, pourquoi pas, pour animer le... Alors, on prend 2 questions en plus et après je... Ah, tu veux... Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas... C'est pour... Oh, je pense que je peux... Non, c'est pas toi, c'est parce que c'est enregistré. Oui, mais Ricardo voulait d'abord finir de... Ah, d'accord. Non, c'est bon. Parce que Augusta voulait poser une question. Merci. Je suis Augusta Conquilla, journaliste. J'aurais beaucoup de choses, mais je vais juste me limiter à un aspect. J'ai noté un passage où tu dis explicitement que tu ne fais pas une différence entre... Pardon. Une différence entre l'État, le MPLA, le pouvoir, en quelque sorte. C'est un peu la même chose. C'est vrai, pas vrai, à mon avis. Le MPLA est de plus en plus un faire-valoir, ou plutôt une légitimation opportune au moment des élections, mais le pouvoir ne se concentre pas là, même si des personnes transitent d'un lieu à l'autre, s'ils ont participé à cette élite qui en profite économiquement, comme tu l'as si bien dit. Mais comme centre du pouvoir, moi, je ne l'identifie pas comme ayant un projet, parce que tu répètes souvent dans le livre quelque chose qui est étonnant dans la mesure où il y a très peu de sociétés où une structure politique, quelle qu'elle soit, et surtout pas quand elle ne fonctionne plus tellement comme le MPLA, qui a un projet et qui arrive à le mettre en pratique, en quelque sorte. Parce que tu répètes, c'est la société d'aujourd'hui, elle est le reflet de ce que ce parti a bien voulu. Dans la mesure de leur compétence. C'est moyen, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une façon pour que ce parti puisse se transmettre, puisse projeter sa vision à travers les instruments qui sont l'État ou ce que tu veux comme forme de mise en application? Parce que je ne vois pas comment est-ce possible sans tenir compte du fait que tout ça, c'est un ensemble de pressions, de rapports de force. Qui ne sont pas linéaires, où les partis ne peuvent pas s'exprimer comme tels. C'est mon avis. Merci. Il y a tellement... La typologie des élites, c'est-à-dire les élites, de quel milieu il vient, en fait? Oui, c'est une question qui a été faite, je répondrai à ça. Alors, laissez-moi, je prends la question sur la réserve. Je pense que c'est entre 12 et 14 milliards de barils de pétrole. C'est pas beaucoup. C'est pas mal, mais oui, c'est 20 ans, peut-être un petit peu plus, parce que beaucoup de... comment est-ce qu'on dit, le ultra deep waters en Angola sont pas aussi bien, spécialement à partir de Soumbé, au sud de Luanda, elles ne sont pas aussi bien, comment est-ce qu'on dit, cartographiées. Il ne faut pas penser qu'il y a des grandes fortunes là-dedans, mais on peut penser qu'il y a un petit peu plus. On maintient les chiffres à côté parce qu'ils sont encore en train de les explorer. Et plus important, le pré-sel est très très cher d'exploiter. Donc, au Brésil, ils ont tout arrêté pour l'instant avec le pré-sel. Donc, ces réserves existent comme réserves si le prix est suffisamment cher pour que... Sinon, c'est comme s'ils n'existaient pas, en fait. Personne ne va les toucher. Et parce que ça prend longtemps entre l'investissement et l'exportation, même s'il y a de la volatilité, la plupart des grands investisseurs occidentaux, qui sont les seuls qui peuvent faire vraiment cet investissement pré-sel, les Chinois, peut-être les Indiens au NGC, mais les Chinois ne sont pas ce n'est pas suffisamment bien du point de vue technologique pour ça. Personne ne va les toucher, au moins avec les ressources que les Angolais pensent que doivent être mise et investie pour vraiment exploiter ces réserves. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas l'Arabie saoudite. La production est énorme et les réserves sont moins importantes que ça. Ce n'est pas les Guinées équatoriales non plus. Il y a les Guinées équatoriales dans 5 ans, on ne sait pas s'ils seront vraiment... au moins au niveau de la production actuelle, c'est... Elle est moins, je veux dire. Ils ont beaucoup moins. Beaucoup moins. L'autre question, la question sur l'État, l'MPLA et Jean-Edouard Change. Je pense que l'MPLA existait avant le président et le parti existera après le président. Donc, au niveau conceptuel, c'est important de dire que l'Angola a un État, elle a un système partidaire, pluripartidaire, et le MPLA est juste le parti qui est au pouvoir parce qu'ils ont gagné les dernières élections, tout ça. Donc, il y a toute une dimension formelle où il faut reconnaître la séparation de tous ces conseils. Au niveau pratique, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas parce que à partir de 1979, d'une façon très lente pendant les années 80, le président a arrivé à contrôler tout le pouvoir décisoire du parti. Au début des années 90, la dernière étape, c'était de contrôler les forces, l'armée, en devenant les commandants en chef et en coupant la relation directe entre le parti et l'armée. Il y a toujours des commandants en chef depuis 1975. Oui, mais il y avait des commissaires, il y avait une relation très importante entre les FAPLA et l'armée. Maintenant, le MPLA et le parti. Les FAPLA qui étaient le parti. Maintenant, le MPLA n'a rien à voir avec les forces armées qui sont exclusivement gérées par le pouvoir, l'administration. Exactement. Comme il faut au niveau formel, mais le résultat, toujours, c'était la concentration du pouvoir au niveau du président. Donc, ça, c'est une question. Je pense que ça ne marche pas au niveau théorique, mais ça marche très bien au niveau empirique. Mais ce n'est pas soutenable à long terme, parce que c'est le produit... quand il part, j'ai dit, il sera là, le parti sera là encore. Et il y a, comme tu sais, il y a beaucoup de gens dans le parti qui veulent que le parti soit plus important qu'il n'est depuis très, très, très longtemps. Donc, cette dynamique entre la présidence, pas seulement la présidence, mais la présidence et le parti, c'est très important à moyen terme. La question de... est-ce que le parti arrive vraiment à molder, on dit ça Moduler le pays comme ils veulent. La réponse est non, parce qu'il y a une rhétorique très ambitieuse, mais les moyens sont importants, mais ils ne sont pas totalitaires. Mais deuxièmement, il y a tellement de contradictions dans le discours, et spécialement une certaine envie de louandaniser Angola, qui crée une réaction sociale qui parfois... mine la volonté officielle du parti en créant des dynamiques sociales qui repoussent ce projet. Donc j'essayais de dire dans le livre ce qui c'était ce projet, dans ce qui ce projet inclut, mais aussi dans ce qu'il exclut, mais aussi les limites et les contradictions engendrées par ce projet. Dans un contexte où la société se réveille. Pardonnez-moi, je parle lentement, je suis un petit peu fatigué. La question de... Je prends des questions qui étaient posées par Didier. C'est quoi l'hégémonie? J'ai déjà un petit peu essayé de répondre. Ce n'est pas seulement la dimension de la coercion. C'est beaucoup plus compliqué comme on sait. C'est la servitude volontaire. Exactement, exactement. Et je pense, la servitude volontaire. Oui. Il faut comprendre qu'il y a des idées qui sont au centre de l'idéologie du parti, qui sont, comme est-ce qu'on dit, elles sont séduisantes. Il faut pas exagérer. Il faut pas vraiment. Je pense pas que c'était l'hégémonie après 2002 était vraiment ancrée dans la victoire militaire, mais c'est pas. Elle peut pas être réduite à cette victoire militaire. Il y a une dimension de séduction qu'il faut, qu'il faut accepter, mais aussi les limites de cette séduction. Et je pense que dans ce cas-là, je n'ai pas eu le temps d'expliquer cette idéologie, cette idée d'Angola qui est très centrale, je pense, pour le projet de nation de l'MPLA, qui est essentiellement que ce pays très vaste et très pluriel et très différent, qui est le produit d'une histoire spécifique, doit être, disons, homogénéisé, doit être d'une certaine façon devenir cohérent avec une culture d'extraction portugaise, une culture luandaise au centre de ce projet. Ce n'est pas unique dans l'histoire. Tous les grands, même je pense que le projet de construction, comme Eugène Weber explique dans le cas La fin des terroirs, n'est-ce pas, le livre sur la construction de l'État, pendant la Troisième République en France, c'était très tardif. Il explique que l'État français, il ne venait pas de nulle part, il venait de Paris. Il venait des régions françaises qui étaient françaises depuis longtemps et qu'il y avait une vaste périphérie en France qui ne parlait même la langue française jusqu'à la fin du 19e siècle. Et que cette construction d'un État français avait des dimensions assez coercives. Coercitives, oppressives. Donc je pense qu'il ne faut pas entrer dans un exceptionnalisme angolais. C'est une histoire qu'on a vue ailleurs. Mais il y a, comment est-ce qu'on peut dire, une réinvention de l'inégalité dans cette société. Juste une phrase. Oui. Il y a une grosse différence, c'est que l'aspect coercitif sous la Troisième République notamment... Il y avait un projet civique aussi. Il y a eu un échange entre cette oppression et le progrès social. Or, ce progrès social n'est pas là. Provoque l'identification, mais il est beaucoup plus difficile à faire dans les États capitalistes de la périphérie. Oui. Et donc, cette coercion peut au contraire créer des réactions anti-étatiques et s'exprimer de façon ethnique. Oui. C'est pas fatal, mais ça peut. Et merci, Michel et Claire. De cet éclaircissement, parce que je pense qu'il y avait une certaine volonté d'inclusion dans la société angolaise et sur le projet de construction de l'État, même s'il était coercitif, s'il était plus généreux au niveau concret, les gens auraient été plus... Ils s'identifieraient à lui. Oui, exactement. C'est le problème qu'on dit que tout le monde va être angolais, mais il y a des Angolais qui continuent à être plus angolais que d'autres. Il y a des différences sociales qui ont à voir avec la façon dont on parle, la façon dont on se comporte, la façon dont on est angolais et pas seulement de la brousse, qui recréent même dans le milieu pan-angolais les asymétries où quelques-uns sont au sommet de la société et des autres sont nécessairement des sauvages ou des gens qui sont moins angolais que les autres. Donc, jusqu'au moment où l'Angola a un projet national vraiment intégratif, et comme universitaire, je dirais, ce projet, historiquement, peut vraiment être très souvent très coercitif. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne fais pas seulement une analyse normative. C'est plutôt si, à la fin de cette coercition, il y a un projet d'inclusion. Et dans le cas de Luanda, comme dans le cas de Khartoum, dans le Soudan, ou comme le cas de l'Éthiopie impériale, je ne suis pas sûr que le discours d'inclusion ne contient des langages d'une exclusion permanente. Au moins, c'est ça qui des acteurs périphériques dans la société angolaise ont historiquement perçu. Et c'est ça, je pense, la bombe à retardement, qu'il faut que les gens en Luanda, et je parle pas de l'opposition de la société civile, j'espère que les gens à la présidence sont en train, s'ils sont intelligents, ils sont en train de penser qu'est-ce qu'on va faire pour être là dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ils ont vraiment négligé cette dimension extrêmement importante de la nation angolaise et les hiérarchies implicites dans le projet de nation pour l'Angola. Est-ce que j'ai 2 petites minutes pour... Jusqu'à 19h, donc oui, il est moins 4. Moins 4, très bien. Très bien. J'ai 2 questions. Laisse-moi voir. Michel, il a posé tellement de questions intéressantes. La question, est-ce qu'il y a une bourgeoisie qui est quand même pas rentière et qui a commencé en étant rentière, mais qui commence à voir qu'il y a d'autres choses. Il y a un processus de, de sophistication croissante qu'il faut observer et qu'il ne faut pas négliger. Il y a des oligarques angolais qui sont maintenant à Davos, qui sont maintenant à Ascot, leurs enfants sont à Eton, ils sont même à Oxford, et ils veulent quelque chose d'autre. Et franchement, il faut que j'ai des... Vraiment, j'aime Angola beaucoup, mais il faut être très froid dans l'analyse politique. C'est comme ça que les élites apparaissent dans l'histoire. Donc, pour moi, ce n'est pas, je n'essaie pas de faire le jugement. J'essaie de voir, c'était un processus de construction des élites assez sale. Mais où est-ce que ça va aller? Et l'idée que ces gens vont s'en aller et qu'il y a toute une classe alternative de vrais entrepreneurs en Angola qui peut prendre leur lieu et vraiment pousser l'Angola dans la direction positive, c'est pas réaliste. C'est eux, ils sont les acteurs historiques angolais de la dernière génération. Donc je suis beaucoup plus intéressé. Et leurs enfants. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Et malheureusement, je reconnais dans le livre qu'il y a vraiment des gens qui sont aussi peu sophistiqués, aussi idiots qu'il y a 20 ans. Il y a des généraux, on dit ça, qui sont vraiment... Boussaïch, exactement. Mais il y a d'autres gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui commencent à penser le futur. Le problème, c'est que le contexte général ne donne pas beaucoup d'incentifs à ces gens de passer à la prochaine étape. Parce qu'il y a tellement de bénéfices de pouvoir discrétionnaire, il y a tellement de choses à gagner en étant un membre de cette élite qui est au-delà de la loi, que chaque fois qu'ils essaient d'être un petit peu plus sophistiqués, ils le sont toujours dans l'économie mondiale, pas dans l'Angola. Et par exemple, Isabelle de Chante, c'est un exemple quelqu'un qui est devenu très, très intelligente et vraiment un entrepreneur dans certains contextes. Mais la base de ces richesses, on sait d'où ça vient. Ça vient de l'économie politique, ça vient du lien direct avec l'État angolais. Donc l'État, même dans ce contexte de sophistication croissante, l'État et le lien avec l'État continuent à être la base des carrières politiques, économiques, des stratégies d'accumulation, des stratégies de réussite sociale en Angola. Et je ne vois pas dans ce sens plus structurel un changement suffisamment important pour que l'économie politique angolaise se canalise dans une direction plus constructive. Est-ce que la chute des cours du pétrole n'est pas une chance? Ça peut être une chance. Mais le contraire peut être aussi... on sait beaucoup... la chute du prix du pétrole, c'est un danger et une opportunité. La plupart du temps, les régimes autoritaires qui ne sont pas très flexibles, ne sont pas suffisamment agiles, c'est plutôt un danger pour leur réussite à long terme. Donc, je ne veux pas faire de la futurologie. C'est vrai qu'il y a maintenant des gens dans le gouvernement qui disent « Très bien, maintenant, on arrête les subsides du pétrole qui s'est fait. Maintenant, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant, on crée des tarifs qui vont protéger quelques industries. On va commencer à les produire quelque chose au niveau à l'intérieur. » Donc, je pense que c'est plus possible que les réformistes, j'aime pas faire ces dichotomies entre les bons et les méchants, mais il y a des gens avec une vision plus intelligente de l'économie angolaise. Est-ce qu'ils sont en train d'être empowered, comme est-ce qu'on dit? Oui et non, ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend... En fait, il faut dire que de 2002 à 2008, il y avait plein de réformes politiques au niveau, par exemple, de la gestion du pétrole. Quand José Pedro de Moraes était ministre des Finances, quand Aguinaldo Jam était là, il y avait plein de réformes. Donc, le fait que l'économie était dépendant du pétrole et très, très riche, ça n'a pas arrêté les réformes à l'intérieur du régime. Donc je ne vois pas pourquoi la chute du prix devrait les arrêter non plus. Mais c'est un système politique dynamique, je le répète pendant tout le livre. Mais la question, c'est s'il y a l'agilité de transformer de dimensions importantes de l'économie politique et de la relation de la société et l'État. Ça, j'aimerais laisser cette question dans une... je devrais être agnostique. J'observe Angola, je ne fais pas aucune conclusion avant la lettre, mais ce sont des défis politiques extrêmement difficiles à prévoir. Bien au-delà.